No, we ain't kids no more. Radio, bientôt 6h, dans un instant toute l'équipe arrive et puis il y aura aussi la question de ouf ce matin. Question de ouf. Tous les matins on vous ouvre notre répondeur, le 01 84 07 08 09. On vous pose une question. Aujourd'hui c'est plus un petit défi, on vous demande de chanter sur Céline Dion, sur celle-ci de Céline Dion. Vous la reprenez à votre façon, comme vous voulez, on va compiler tout ça, on écoutera tout ça dès 7h et je trouve que c'est cool un petit peu de Céline Dion avant 6h, ça fait du bien. Virgin Radio, pop, rock et Céline Dion. Et actu aussi dans un instant avec Tristan Sarah. Vous restez là pour être le ou la première à démarrer l'émission. Rendez-vous dès maintenant au 3916. Encore un coup de Céline. Bon, on y va. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je m'adresse à vous, les professionnels dont le véhicule est aussi l'outil de travail, pour vous rappeler qu'avec l'assurance Auto MAF Pro, vos biens embarqués à bord sont couverts en cas de vol de votre véhicule. Et si vous l'avez équipé avec des accessoires hors catalogue constructeur, ils pourront également être indemnisés en cas de sinistre garanti. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option contenu et personnalisation détaillée dans le contrat Auto Pro, disponible en agence et sur MAF.fr. Your radio. On est le mercredi 31 août, dernier jour du mois. Ça passe à une vitesse. Toute l'équipe du Virgin, Tonic, Clément, Laure, Pauline arrive dans un instant. Et petite truc assez sympa, ils payent votre loyer. C'est dès 6h20, vous inscrivez le loyer, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Pop, rock. Et le 31 août, il faut savoir que c'est la journée mondiale du blog. Voilà, petite info, donc le Tristan Sarah, par exemple, vous le retrouvez sur l'actutulamoutulakit.skyblog.fr. Et en attendant, on le retrouve pour l'actu, salut Tristan. Tout salut ça pour Romain. Cette vanne quand ouais, même. Hein. J'ai quand même amené un truc pour y a du boulot. Salut Romain, donc bonjour à tous. La météo, pas de changement pour aujourd'hui, du soleil sur l'ensemble du pays, à l'excepté du sud-est où les orages vont continuer d'éclater au fil de la journée. Coup de tonnerre aussi en Corse, 25 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 28 à Paris, 30 à Lyon et 32 à Montpellier. Emmanuel Macron en la une de tous vos journaux ce matin, 38 ans et après de multiples provocations, le ministre de l'économie a donc démissionné. Il va désormais se consacrer entièrement à son mouvement En Marche, sans exclure de se présenter à la présidentielle. Son poste revient à Michel Sapin, passation de pouvoir à 9h ce matin à Bercy. A noter aussi la démission de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, pour raison personnelle. Elle est remplacée par Erika Barretz, qui devient la première réunionnaise à occuper ce poste. C'est la rentrée des profs. 860 000 enseignants du primaire et du secondaire, dans le public et dans le privé, vont préparer la nouvelle année scolaire. Il faut que tout soit fin prêt pour accueillir dès demain quelques 12 400 000 élèves. Une rentrée marquée par la mise en œuvre de la réforme du collège. Et si sur ces 12 millions d'élèves, ils sont plus de 2 millions à prendre le car tous les jours pour se rendre à l'école. L'occasion pour la prévention routière et la société Keolis de lancer une campagne de prévention. Elle vise à rappeler l'obligation de boucler sa ceinture dans le bus, alors que 65% des Français ne s'attachent pas. Bilan, les accidents de car ont fait 42 victimes et 127 blessés l'an dernier en France. Les éleveurs et Lactalis ont trouvé un accord sur le prix d'achat du lait. Il est revalorisé à 280 euros la tonne pour ce mois-ci, avant de grimper de 5 euros tous les mois pour parvenir à 300 euros en décembre. Sortie de crise saluée par Manuel Valls, mais deux syndicats restent sceptiques. Apple reconnu coupable de ne pas avoir payé d'impôts en Europe. Bruxelles demande au groupe informatique de régulariser sa situation en remboursant plus de 13 milliards d'euros à l'Irlande. Une goutte d'eau pour le géant américain, mais Apple va tout de même faire appel. Et puis le chanteur de R&B Chris Brown refait parler de lui. Il a été arrêté cette nuit à son domicile près de Los Angeles après une plainte. Une femme a appelé la police en disant qu'il l'avait menacé avec une arme à feu. En tennis, belle journée pour les Français engagés hier à l'US Open. Paul-Henri Mathieu, Nicolas Mahut, Jérémy Chardy, Gilles Simon et Kristina Mladenovic se sont tous qualifiés pour le deuxième tour. Seule Pauline Parmentier va devoir quitter New York, mais après avoir été battue en trois manches par une autre Française, Caroline Garcia. Parmi les duels du jour sur les cours de Flushing Meadows, le Serbe Novak Djokovic face au Tchèque Jiří Veselý et l'Espagnol Rafael Nadal opposé à l'Italien Andreas Seppi. Et puis côté foot, les Bleus s'envolent aujourd'hui pour Bari en Italie. Match amical demain 21h. Raphaël Varane va retrouver sa place en défense centrale et le brassard de capitaine en l'absence d'Hugo Lloris. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Gombal. Bon réveil. Bonjour à tous, je suis Lionel de Rennes, nous sommes le mercredi 31 août et là je suis vraiment trop content parce que j'ai encore enfin pu finir un livre avant la fin de mes vacances et je déclare donc l'émission officiellement ouverte. Bonjour la France ! Bonjour ! Il est bien notre générique, mais à 6h. C'est dur. Vous tapez dans les mains. Le tapage de main, il a failli me faire un infarctus. J'avais oublié. Mais il fait très peur l'équipe. Ça va tout le monde ? Oui. Ça va mon Lionel ? Bah ça va super Camille. Je suis ravi de t'entendre. T'as bouquiné cet été ? Ouais, voilà, tranquillement. On était sur quoi là ? Sur Marc Lévy ou Marc Repère ? Non, on était sur le parfum de Patrick Skin. Ah, c'est pas mal. J'adore. C'est pas mal. Magnifique. Dès quelqu'un sort le nom d'un livre, il y a tous les gars de l'équipe, ils sont bons. Ouais. Ok. Bah, j'attends le film et t'as toutes les. Ah, c'est super. Quelle magnificence, Laure. Il a été adapté au cinéma, c'est super. C'est vrai ? Ouais. Avec qui dans le rôle principal ? Je dirais Hippolyte Girardot, non ? Non. Non. C'est rien du tout, mais c'est le film le plus bizarre que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire qu'au début, ça va, ils fabriquent du parfum et d'un seul coup, ils sont tous tout nus et font tous l'amour. N'importe quoi. Je te jure que c'est vrai, j'ai pas compris pourquoi d'un seul coup ils faisaient l'amour. Mais en fait, c'est le parfum qui leur donne envie de faire ça. Ah, on comprend mieux le livre, Lionel. Exactement, ouais. C'était sympa. 555 pages. Quand même. Ouais, mais bon, 300 où ils sont à poil, ça va. Oui, mais sans images. Oui, bah bon, tu te les fais, les images. Donc, Laure est là, Clément aussi. Oui. Le petit rat de bibliothèque. Non, moi, j'ai vu le DVD, moi. J'ai pas la prétention d'avoir lu, je ne sais pas lire. Rat de DVD Tech. Exactement. Bon, bah, très bien. Il y a Ginger qui est là aussi. Et oui, bonjour. Mais c'est comme dans tous les films, en fait. Enfin, en général, les trucs adaptés, le bouquin est toujours 10 fois mieux. Donc, non, il a bien ça, fait de lire le livre. Ouais. Mais si, c'est vrai. Tous les films que tu vas voir à la sortie, quand tu pars d'un film, t'es dans la queue pour partir du ciné, t'as toujours un gars qui fait ouais, ça vaut pas le bouquin quand même. Mais qu'est-ce qui vaut pas le film en fait ? Il y a des images, ça a explosé partout. Qu'est-ce que tu veux lire un bouquin ? T'as dormi chez Clément, il t'a prêté un t-shirt ? Il est trop beau, un peu des deux. Ok, bon ben voilà, celui-là je ne m'arrêtais plus, merci. Voilà, mais c'est pas, t'en avais pas à ta taille. Excuse-moi, je découvre en même temps que vous le t-shirt de Ginger à mettre. Vraiment, c'est-à-dire. Il y a un problème, non ? Je sais pas. Mais il est vraiment pas à ta taille. C'est dans mes achats de rentrée, ça. Je te le prêterai si tu veux. Mais c'est pas possible, il est pas top, Clément. J'avoue qu'à regarder, il est pas top, mais moi je l'ai lu avant ce t-shirt et il est 100 fois meilleur. Oui, Papoline est là aussi au standard, le 39-16, bien sûr. Mais vous cassez complètement son délire, c'est hyper sexy parce qu'en fait ça tombe sur l'épaule. Exactement. Ça, c'est sexy dans un t-shirt. C'est sexy dans un t-shirt. Une danse. C'est sexy dans un t-shirt. Bien sûr. Non, c'est pas possible. Il y a un autre truc au cinéma qui me fait chier, Lionel. Je sais pas si ça te le fait au cinéma. Il y a un truc très bizarre. C'est, vous avez remarqué, c'est que vous rentrez au cinéma. Vous arrivez dans le peu importe votre cinéma habituel. Il y a une belle devanture. Il y a toutes les affiches. Voilà, vous voyez les trucs de pop-corn et tout machin. Et quand vous sortez de la salle, vous sortez. Donc, chaque fois que vous rentrez par une porte, et t'arrives, on dirait que t'es dans une autre ville. Ils vous font sortir dans des endroits. À chaque fois que t'ouvres la porte, tu sais plus du tout où était l'entrée principale. Tu sais plus où t'as mis ton scooter. Et c'est toujours un coupe-gorge, là. Ok, donc c'est sûr que si Jack l'Éventreur existait encore, c'est là qu'il habiterait, le gars. Et c'est toujours des endroits aussi que l'autre. Et tu retrouves plus le truc. Mais attends, on est dans un autre département. J'avais laissé un scooter, c'est bizarre, non ? C'est hyper bizarre. C'est pas des issues de secours, elles sont pas possibles, Clément. Bah, c'est justement pour éviter qu'en sortant, tu racontes le film à ceux qui rentrent. Je pensais pas que c'était lui le tueur. Ah, bah oui. Pour pas que ceux qui arrivent. Pas besoin, que tu t'es fait égorger dans la rue derrière. Moi, t'es sûr que voilà. Et puis en plus, t'avais lu le livre avant, donc je t'en fous complètement. Bon, Lionel, t'as un loyer de combien, toi ? moi j'ai un loyer de 895 francs. Euros. Ah oui. Non, parce que je viens en 95. Je vous expliquerai l'histoire de Doloréane. Bon, Lionel, alors c'est très simple. 895, tu peux m'envoyer dès maintenant. Et vous tous qui m'écoutez, loyer au 7-12-13, c'est un SMS, ça suffit. Votre numéro de téléphone, vous me l'envoyez là maintenant et vous serez peut-être le grand gagnant dans 13 minutes à peine, à 6h20, pour le premier loyer de la journée. Et en plus, chaque SMS vous enregistre aussi pour les 50 ans de loyer. Ça veut dire, mon Lionel, si je te reprends au téléphone le 16 septembre à 8h20, le jour des 50 ans de loyer, je te ferai un chèque de 540 000 euros. Oh là là. Ben je prends. Ben je crois bien que tu prends. Ça en fait des bouquins. Hein. Ah oui, ça en fait des bouquins. Hashtag bibliothèque rose. Je sais, ça fera des belles vacances, mon poteau. Ben, je te souhaite bonne chance. N'hésite pas à t'inscrire. 6h20. Et donc, tous les SMS comptabilisés pour le 16 septembre et les 50 ans de loyer. Bisous, mon poteau. L'équipe, vous restez avec moi? Oui. Ah, ce serait le boulot le plus simple au monde. Salut. Ça a été le boulot. Ben ouais, à 6h05, un petit coup de barre. Mais bon, la fin de journée à 6h08 était top. Bougez 6h à 6h08. Restez avec nous, les copains, J-1 avant la rentrée. On en parlera aussi. Courage à tous les parents déjà debout. Voilà les fournitures scolaires, le stress. Peut-être que vous allez laisser vos enfants pour la première fois à l'école. Je sais que c'est pas simple. Plus pour les mamans que pour les enfants. Ouais, on en parlera tout au long de l'émission. Restez avec nous. C'est le mercredi 31 août. C'est le Virgin Tonic, 6h09. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Matinée, bon réveil à tous, au son de la garrigue, bien sûr, 6h11, bienvenue dans Virgin Tonic, l'équipe est là bien sûr, oui. On est à vos côtés jusqu'à 9h, un énorme kiff d'être avec vous chaque matin, notre entrée c'est depuis lundi, pour beaucoup de collégiens, voilà tout, en gros tout le public, hein. C'est demain, courage à vous tous, je sais pas pourquoi je parle de vous maintenant, si c'est demain vous n'êtes pas réveillés d'ailleurs, à 6h12, j'ai une info qui va vous intéresser, vous tous qui êtes déjà au travail, peut-être en train d'ouvrir les yeux, j'ai trouvé... Grâce à une vraie étude, l'endroit le plus agréable à gratter dans le corps pour les garçons, pour tout le monde. Donc c'est pas ça. Pauline, d'après toi? Moi je pense que c'est sur les joues, sur le côté. Moi c'est ce que je préfère. Sur les joues, bah ouais, t'aimes bien toi. Ben non, c'est pas ça. Et non, c'est pas ça. L'or. Moi perso c'est l'oreille, mais j'ai une technique de folie. Ah, j'adore. C'est la technique du petit chien, ça, on m'a appris ça quand j'étais petite, c'est ma babysitter qui m'a appris. Alors tu fais comme ça. Tu vois ? D'accord, bah, je vois mais pas les gens. Ouais, non, mais alors, tu leur expliques. Moi je vois. J'adore le. Non mais toi explique-leur. Ouais. Tu fais bien là en parlant dans ton truc avec Bonnet. Alors c'est ouais, tu mets le doigt et tu bouges vite quoi. Comme un petit chien. Ouais. Exactement. Si t'as bah, j'aime bien, j'adore les coups. On dit Clément. Moi je galère, mais je pense que ça doit être agréable dans le dos. Au milieu du dos, ouais, mais soit j'ai le dos trop large, soit les bras trop petits, il y a un endroit que j'arrive pas trop à atteindre. En fait, c'est les endroits que tu dis, mais tu n'atteins pas. Voilà, on dit que c'est agréable, donc on les gratte. Eh ben non, et quand je vais vous le donner, vous allez me dire c'est vrai. Ah. Pensez piqûres de moustiques, la cheville. Ah, ouais, selon cette étude, ouais. C'est la cheville l'endroit le plus agréable à gratter. C'est vrai que c'est souvent là que piquent les moustiques et c'est agréable. Oui, Laure. Ouais. Bah, moi, je peux pas me gratter la cheville parce que j'ai la peau trop fine. Dès que je me gratte, hop, je m'arrache la peau. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait un prime ? Bah, je crois. J'appelle TF1, on en fait un prime. C'est pas un film de ma vie. Comment ? Est-ce qu'on ferait pas un film, tout simplement ? Non. Fais déjà le bouquin, on verra après. Qu'est-ce qu'on en fait ? Restez avec monsieur Virgin. Moi, dans 5 minutes à peine, je paye votre loyer. Restez avec nous, loyaux 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. Et tout de suite, c'est The Stramblers. Exactement. Spirits. Voilà ce qui arrive dans le Virgin Tonic. Je vous souhaite un excellent réveil à tous. Bonjour tout le monde. Nous sommes The Stramblers on Virgin Tonic. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight. I'll be a dreamer till the day I die. They say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't wanna change. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head. Ça donne envie d'été, non ? Ouais. Ça donne envie de déglacer. 6h16, les amis, restez avec nous. The Chainsmokers. Ah, ça, c'est vraiment le morceau que j'adore en ce moment. Don't Let Me Down. Excellent réveil à vous tous. 6h16, c'est mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août. Beaucoup de courage. Un loyer à gagner dans 3 minutes à peine. C'est le Virgin Tonic. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je suis chargé de dire à tous ceux qui ont un véhicule professionnel équipé d'aménagements spécifiques comme un bras de levage d'une benne, une cellule frigo ou un hayon, qu'en cas de dommages matériels subis lors de leur utilisation, avec l'assurance AutoMAF Pro, ils peuvent être indemnisés en fonction du capital souscrit. Ça, c'est du spécial pro très pro. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option bris interne aménagement pro, détaillé dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur MAF.fr. Encore une petite tasse de café, Pierre-Alain. Hein ? Allez, n'hésitez pas, resservez-vous. Ça fait déjà 3 trois fois, Daniel. Eh ben oui, mais chez U, pour la rentrée, les gratuits sont au programme. Mm-hmm. Pour l'achat de deux lots de deux paquets de 250 grammes de café moulu carte noire, le troisième lot est gratuit. Gratuit. Alors, faites pas le timide. Réservez-vous. Okay. Classique, espresso ou décaféiné. Jusqu'au 10 septembre dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, bougez plus. Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Exactement le même type de temps aujourd'hui qu'hier. Pas de changement, du soleil pour tout le monde, sauf sur le sud-est, de la pluie et surtout des orages toute la journée sur les Alpes et la Provence ainsi que sur la Corse. 18 degrés cet après-midi à Cherbourg. Vous aurez 20 à Brest, 25 à Lille, 26 à Marseille, 27 à Chambéry, Montélimar et Perpignan, 28 degrés pour Paris, 29 à Limoges et à Bordeaux, 30 à Lyon et la maximale 32 degrés du côté de Nîmes et de Montpellier. Très bon réveil les amis. Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N au 88 000, accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin au 88 000, le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3€ par semaine, DGP. Virgin Radio, partenaire du Hi-Fi Festival. À tous les passionnés de ski, rendez-vous à Annecy du 30 septembre au 2 octobre pour assister à ce festival unique qui célèbre l'arrivée de l'hiver avant l'heure. Au programme, avant-première de films de ski et de snowboard dans un cinéma. Rencontre avec les pro-riders internationaux. Séance de dédicace. Village de marque, espace trampoline. Restaurant éphémère et soirée. Yeah, info et réservation sur hi-fi-festival.com. Le Hi-Fi Festival, un événement Virgin Radio. Trop d'interrogations quant à votre avenir professionnel ou amoureux? Envoyez CARTE, C-A-R-T-E, au 72021. C'est une analyse claire et précise de tout ce que vous souhaitez savoir sur votre avenir. CARTE au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'OPAS. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop, rock, électro, en image. Hi, it's Taylor Swift. Salut, c'est Chaka Khan. Bonjour, c'est Stromae. Hey, it's Ed Sheeran. Regardez le clip. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 142 de votre télé Orange. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Virgin Radio. Regardez-nous sur Virgin Radio TV. 100% Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Excellent réveil à vous tous, 6h20, bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis parmi toutes les radios. On est là à vos côtés chaque matin, 6h-9h avec Laura, salut. Avec Clément. Salut. Avec ma popo du standard, 31 août aujourd'hui. Et déjà, premier tirage pour le loyer, c'est à 6h20, à 7h20 et à 8h20. Vous vous inscrivez par SMS, loyer au 7-12-13. On laisse bien le numéro de téléphone. Toutes les heures, on tire une personne au sort. Il ne paye plus de loyer grâce à Virgin. Et en plus, chaque SMS, depuis notre reprise, depuis notre rentrée lundi 6h, chaque SMS est comptabilisé. Il vous donne une chance d'être tiré au sort le 16 septembre à 8h20 pour le plus grand cadeau jamais offert sur une radio. La plus grosse somme jamais offerte, 50 ans de loyer. Énorme. Alors j'explique, si vous êtes propriétaire, ça fonctionne aussi. Oui. C'est un mois de mensualité de crédit. Et puis ce chèque-là, surtout, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais comment vous faites pour nous garantir pendant 50 ans? Nous, on fait le chèque, vous en faites ce que vous voulez du chèque. Tout ce que vous voulez. Ouais. Vous voulez dépenser en frestagada? Acheter des frestagada. En chaussures? Ça fait beaucoup. Chaussures, ça fait des chaussures aussi. Hein. Ouais. Ça en fait sur Zalando.com. Ouais. Je fais de la pub, je sais pas. Attention, on y va, c'est parti. Premier appel de la matinée. Courage à tous. Je vous souhaite bonne chance. Beaucoup, beaucoup de SMS. J'espère que c'est vous là que je suis en train d'appeler en direct. Je rappelle, hein, quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Allô? Si vous me dites Virgin Radio, c'est gagné. Allô, bonjour. Bonjour. Salut, qui est là? C'est Anthony. Salut Anthony. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Tu te trompes là Anthony. C'est que tu fais exprès. Hein. Virgin Radio. Non. Bravo. Ben, si. Oh, merci pour ce Camille. Ben, ça me fait plaisir. Tu viens d'où Anto? Je viens du 411 de Draveil, je sais pas si tu connais un petit peu. Ah, je connais. Draveil? Ouais. C'est une visite sur Orange. 9-1. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Et mon poteau, t'as un loyer de combien là-bas? Bah, en fait, moi j'habite avec mon père, donc je crois que c'est à peu près 600, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement, mais. 600 et quelques, et bah du coup on te fera un chèque aux alentours si tu me gagnes. Alors là, je te fais évidemment, t'as le temps de récupérer l'info. On te paiera un mois de loyer, ça c'est fait. Ah, c'est et si je te reprends au téléphone grâce à ce SMS le 16 septembre, eh bien sache que je te ferai un chèque aux alentours des 370 000 euros. Waouh. Voilà, ça serait génial. Mais c'est déjà très très bien. Franchement, je suis très content. Franchement, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Et merci à 6h20 de te réveiller avec nous. Moi aussi, ça me fait très plaisir, Anto. Bah là, je rentre du travail, là, donc je vais aller me coucher. Moi. D'accord, ben écoute. Toujours. Je sais, à cette heure-ci, ouais, plein de monde aussi qui ont bossé la nuit, hein, je sais. Ouais, voilà, ouais. Soyez prudents pour votre retour sur la route. Anthony, je t'embrasse, bravo, premier gagnant de la matinée. Je vous embrasse tous et franchement, merci à tous, vous êtes génial. Merci salut, beaucoup. Merci salut. À toi, mon poteau, merci d'être avec nous. 6h22, prochain tirage au sort, 7h20. Et donc, toujours, hein, c'est 50 ans de loyer, c'est quand le C'est le 16 septembre. Hésitez, non. The Chainsmokers, tout de suite, ce morceau, vous le connaissez pas encore, il est canonissime. Don't let me down, bienvenue chez nous, on est là jusqu'à 9h. Hey guys, we are the Chainsmokers on Virgin Tonic. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Excellent réveil à vous tous, bienvenue dans le Virgin Tonic, 6h-9h, l'équipe est là? Oui. Pour vérifier, 6h25. Mercredi 31 août, courage à vous tous qui êtes encore au petit-déj à la maison et d'autres, je sais, ont bossé toute la nuit, on était avec Anthony qui a gagné son loyer il y a 2 secondes, qui a bossé toute la nuit, courage à vous tous. Tiens, j'ai trouvé une info marrante. Oui. Sur le site pleingaz.fr. Vous me connaissez, la journée, je suis pleingaz. Je suis pleingaz. Et pour les gars comme moi qui vont à toute berzingue, on va sur toutberzingue.com ou sur pleingaz.fr. J'ai trouvé, non, en vrai, j'ai trouvé une info marrante. 20% des gens déclarent qu'ils ne prêteraient leur voiture sous aucun prétexte. Eh oui. Je suis pas du tout comme ça. Ah ouais? Ah ouais, alors moi vraiment, je suis pas matal, je peux prêter tout. À part les DVD, j'aime pas parce qu'on les revoit jamais. Un gars qui te ramène pas ta voiture quand même, à un moment donné, tu l'appelles quand même, l'or. Je peux comprendre, moi Juju, il aime pas trop prêter la voiture, donc c'est plutôt un truc de mec, mais il y a des trucs qui ne se prêtent pas. Genre moi par exemple, je ne pourrais pas prêter un de mes maillots de bain, ça serait pas possible. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Pourtant, il m'irait bien, moi. Oui. Ah ouais. Clément. Moi, le truc, c'est le parfum. Est-ce que tu prêtes ton parfum ou pas, ou est-ce que tu essaies d'avoir un parfum unique et okay, même pas dire la marque? Allez, on va faire un jeu. Ok. On fait un jeu, on propose des trucs, on dit si ça se prête ou pas. Attends, on va jouer quand même avec quelqu'un, on a qu'à prendre Charles. Tiens, Charles, comment vas-tu au 3916? Salut toute l'équipe. Salut mon poteau. J'aime bien Charles, il a la voix du gars qui veut faire genre il est en forme, mais non. Salut toute l'équipe. Ça roulotte. Dis-moi, tu serais tiré pas sur pleingaz.fr toi aussi? Il y a à peu près 3 minutes, ouais, j'étais dessus. J'ai compris. Je suis dans le gaz.fr. Alors attention, on commence. Alors tu disais quoi? Moi, maillot de bain, impossible de prêter. Alors moi j'avoue, déjà je pensais encore plus dur pour une fille, mais alors moi je peux pas prêter mes maillots de bain. Charles, selon toi, ça se prête ou pas un maillot de bain? Non, ça se prête pas. Ça se prête pas. Ouais. C'est bon. Ça se prête si ça se lave? Tu sais, il y a des machines incroyables maintenant qui lavent bien. Ça s'appelle des machines à laver. Quoi? Mais non, mais un truc bien lavé, ça se Pauline. Moi, je prête le haut, pas le bas. Sur un deux pièces. Doit être bien tes copines à la table. Ça doit être sympa. Pardon, mademoiselle, quand on dit monokini, c'est l'autre. C'est l'autre truc, en fait. Du fesse nu. C'est un downless. Attention. On a dit quoi, Clément? Le parfum. Alors ouais, bah, parfum, je trouve que tu prêtes parce que c'est vraiment nul, ça fait vraiment radin de pas prêter. En revanche, moi par exemple, je déteste donner le nom de mon parfum. Bah oui. Ouais, mais si tu prêtes, ils le voient. Donc non, tu prêtes un autre. Non, mais c'est vrai, j'aime pas donner le nom de mon parfum, j'aime pas que les gens aient le même parfum que moi. Bah ça enlève le truc quoi, alors... Ça fait 2 ans que j'essaie de savoir ce que c'est ton parfum. Je suis même allée espionner dans ta salle de bain quand on était chez toi. Quand? Je suis mes parents, d'accord. Mais quand est-ce que vous on rentre souvent le samedi soir en chez toi. Je croyais que tu savais. Bah non. Est-ce que tu peux prêter ton parfum à Popo? Non, moi je prête pas, il est trop cher, je fais un crédit à chaque fois pour l'acheter, donc c'est pas possible. C'est de plus en plus cher les parfums. Ah ouais. Il y a un problème avec ça. Charles, tu prêtes ton parfum? Non, sauf si un pote est en galère, qu'on se prépare pour sortir, peut-être qu'il a pas de parfum. Je conseille une petite touche pour qu'il soit... Voilà, une petite pression, ça fait paradin. Allez, très vite, on propose plein de trucs. Oui. On dit ça se prête ou pas, ok? Oui. Ok. Un brosse à dents? Non. Non. Ah. Je suis d'accord. Pauline? À son mec? Oui. Oh non. Oh là là. Oh là là là là. Non, c'est pas possible. Ah, j'en ai un bien. Mm-hmm. Vas-y. Son identifiant Canal Plus pour pouvoir que lui aussi regarde sur sa propre tablette avec ton abonnement. Charles? Ah oui, ça se prête. Eh non, parce que s'il regarde un film un peu olé olé, après quand t'appelles Canal, il croit que c'est toi qui as regardé le film olé olé. Oh. Ah, c'est pas grave. Ouais, mais si tu regardes déjà des films. Ouais, mais non, moi je pourrais pas. Non, ça m'angoisse, je peux pas le prêter. Laure. Un oreiller, tu peux le prêter, ton oreiller? Oui. Ah, ta chérie seulement. Ah bon, et tu dors avec quoi? Avec un autre oreiller. C'est-à-dire que tu peux prêter ton oreiller. Attends, c'est elle ton oreiller? Ouais. Bah non, mais comment tu veux faire? Impossible. Ah, mais tu dors avec un seul oreiller toi? Imprêtable. Ah, tu peux pas le changer. Mais non, il est moulé sur ma tête. C'est marrant et tout. Ça. Ma chérie a un peu ça. C'est qu'elle a son oreiller, il faut qu'elle dorme avec celui-là. Bien comment sûr. Toi, Charles? Ah, bah moi j'ai résolu le problème, je dors sans oreiller maintenant, comme ça. Ah, j'en ai une bonne. Ouais. Vas-y. Ouais. Des chaussures. Ah, ouais. Bah oui, mais à quelqu'un qui a la même pointure. Ça, oui, mais. Moi je dis oui, mais à quelqu'un qui a la même odeur, surtout. Magnifique. Parce qu'en vrai, même si tes chaussures elles sentent un peu mauvais, c'est ton odeur. L'odeur des chaussures d'un autre, t'es contaminé. Ah ouais. Merci c'est bon. Puanteur. Mais bien sûr, c'est la tienne. Merci bon Charles d'être avec nous au 3916. Vraiment, t'es un amour. 6h30, restez là. On va écouter Jane. Voilà ce que je vous ai préparé. Vous savez, j'adore ce morceau. Elle est venue nous voir en fin d'année dernière. On est très heureux de la retrouver. Makeba. On fait un point sur l'actu. Comme tous les matins à 6h30, on revient dans 2 secondes. Toute l'équipe du Virgin Tonic. C'est 6h-9h chaque matin. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, beaucoup de soleil ce mercredi sur l'ensemble du pays. Seul le sud-est va rester sous les nuages avec des averses et surtout des orages sur les Alpes, sur la Provence et sur la Corse. Prévoyez 25 degrés en moyenne cet après-midi, 18 à Cherbourg, 28 à Paris et 32 à Montpellier. Passation de pouvoir ce matin à Bercy, elle est prévue à 9h entre Emmanuel Macron, démissionnaire, et Michel Sapin qui lui succède au ministère de l'économie. À 38 ans, Emmanuel Macron a donc présenté sa démission hier après-midi au chef de l'État. Il va désormais se consacrer exclusivement à son mouvement En Marche, dont il pourrait faire une rampe de lancement pour la présidentielle de 2017. Le PS a déjà prévenu, les élus qui le soutiendront seront exclus du parti. 717 000 profs du public, 137 000 enseignants des écoles privées. C'est la pré-rentrée des profs aujourd'hui, à la veille de celle de leurs 12,4 millions d'élèves. Une rentrée marquée par la réforme du collège, avec de nouveaux programmes et un nouveau brevet, mais aussi moins de classes bilingues en 6e et davantage de révisions et de travaux pratiques. Réforme dénoncée le 8 septembre par une nouvelle journée de grève. Un accord sur le prix du lait, agriculteurs et dirigeants de Lactalis se sont entendus sur une hausse du prix d'achat de la production laitière. Il va passer à 280 euros la tonne. personnes pour ce mois d'août, puis 5 euros de plus par mois jusqu'en décembre. La saisie de 370 kilos de cocaïne à Signes dans le Var. La marchandise a été découverte par des employés de l'usine Coca-Cola, cachée dans un conteneur en provenance d'Amérique du Sud. Valeur marchande d'environ 50 millions d'euros. Aucun suspect n'a encore été interpellé. Vous devez 13 milliards d'euros aux impôts irlandais. Bruxelles somme le groupe Apple de rembourser l'argent qu'il aurait réglé au fisc s'il n'avait pas bénéficié de davantages indus. Apple va faire appel. Le PDG Tim Cook se dit confiant. Il pense que la sanction sera annulée. Vous adorez un chanteur, mais vous n'osez pas trop le dire sur Facebook. Eh bien, un nouveau réseau social vient de voir le jour pour assouvir votre passion pour la musique. Son nom, Fan, avec un S au bout, et son adresse, fan.com. Je vous ai mis le lien sur Twitter. Fan veut devenir une plateforme où chacun pourra librement et avec un pseudo partager ses infos sur sa star préférée et sur les concerts. Sport, il y a du tennis à New York, troisième journée de l'US Open. Parmi les matchs du jour, Novak Djokovic opposé à Jiří Veselý et Rafael Nadal face à Andrea Seppi. John Isner rencontrera lui Steve Darcy. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil. Salut à tous, très heureux d'être avec vous une nouvelle fois mercredi. Aujourd'hui, 6h33, c'est l'équipe du Virgin Tonic qui est là. Je vous présente Laure, je vous présente Pauline du Standard. Coucou. 3916 pour nous joindre. Je vous présente Clément Lincrus. Bonjour. On est le 31 août, ça veut dire que ça y est, vraiment demain, rentrée pour tous les collégiens, les lycéens. Ça veut dire aujourd'hui encore une journée de rush et de stress pour les parents. Courage aussi aux enseignants qui, eux, rentrent aujourd'hui. Oui, oui. Une journée avant, qui sont peut-être en train de nous écouter sur la route ou en train de prendre leur petit-déj. On pense fort à vous, on vous offre un tour du monde pop rock électro. On s'y est engagé toute la semaine, on est tellement heureux de revenir. Il y a les 50 ans de loyer, vous le savez. On vous a offert lundi matin les Red Hot, mardi matin The Avenger. Vous allez partir à Ibiza, c'est Hot qui a gagné hier pour applaudir The Avenger. Et ce matin, alors c'est à Paris le concert, où vous soyez, on vous offre évidemment un séjour à Paris, le transport, et vous ferez certainement plaisir peut-être à votre fille, à votre fils, puisque c'est des places pour Justin Bieber qu'on vous offre ce matin. Ouais. Classe. Pour le concert, là, il est full. Il est full, il est plein, il n'y a plus une place de libre, même pas la buvette. Et bien nous, on a les dernières places avec le séjour. C'est à gagner dans quelques minutes. Laure y va avec sa fille. Ouais, le vin. J'adore. Ouais. Longue soirée, oui, en perspective. Avec un t-shirt. I was your boyfriend. Ah ouais, elle va te faire acheter les t-shirts. Ah oui, ça y est, on a déjà la tenue. Oh là là là. les amis, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est 39-16, on va jouer avec vous dans quelques minutes. Et pour l'instant, à 6h35, comme tous les matins, il est temps de passer aux réponses à tout. Réponses à tout. Réponse à tout. Clément descend dans la rue et parle avec les seules personnes qui acceptent de lui parler, à savoir les enfants. Encore, ils sont pas tous d'accord. Ils sont pas tous d'accord. Et ils répondent à la question de Clément. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Ah ben, on parle de la rentrée, évidemment. Si vous pouviez choisir la maîtresse idéale ou le maître idéal, vous le voulez comment ? Qu'il soit gentil. Gentil. Gentil. Tu préfères un maître ou une maîtresse ? Une maître et une maîtresse. Un maître. Pourquoi un maître ? Parce que c'est plus gentil. Je préfère une maîtresse parce que il y en a qui sont très gentils, il y en a qui sont très méchantes, mais celle que j'ai eue cette année, eh ben, elle était trop gentille. Toi, tu voudrais que ton maître, il ait la tête de qui ? De Kenji. Si j'ai un maître, j'aimerais bien qu'il ressemble à Ariana Grande. Qui ça ? Ariana Grande. C'est qui ? Bah, c'est une chanteuse. Et tu voudrais que ta maîtresse, elle ait la même tête ? Oui. Et qu'elle fasse les cours en dansant ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voudriez enlever de l'école cette année ? Les mathématiques, la géographie et le français. Et qu'est-ce qu'on rajoute ? Plus de récré pour de peinture. Si on pouvait changer le nom de votre école, vous aimeriez qu'il s'appelle l'école de quoi ? L'école de Cassandra. L'école à côté du centre. L'école où on fait tout ce qu'on veut. Réponse à tout ! Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Je viens de trouver une news géniale grâce à Corinne. Oui. Je vous la donne tout de suite, c'est génial. Alors dans les couples, il y a un truc pour lequel on s'embrouille tout le temps. C'est genre quand on sort avec la sœur de sa chérie. À chaque fois, ça crée des problèmes. Ah, relou, sa gueule, ouais, ça se fait pas, esprit de famille, je sais pas quoi. Non, il y a un truc vraiment, ça crée tout le temps une embrouille en couple. C'est quand on a commencé une série ensemble que... Bah, t'as envie de continuer la série et que la personne est pas là et que t'es obligé d'attendre et que toi t'as du temps, la personne n'en a pas et donc tu peux pas continuer la série. C'est un enfer, ça. Ah, ça. Et bien sachez que vraiment, ça je trouve ça génial. Oui. Puisque la marque de cônes glacés Cornetto, avec Cornetto, ils ont créé un truc génial, c'est une paire de bagues de fiançailles, de fausses bagues comme ça de fiançailles. Et en fait, on le paramètre avec son compte Netflix, c'est un service de vidéo à la demande, comme Canal, comme tout ça. Et la vidéo ne peut démarrer que si les deux bagues sont dans la même pièce. Excellent. Si vous les mettez et que votre chérie est encore au boulot et que vous avez votre bague et que vous essayez d'ouvrir votre compte Netflix, il ne s'ouvre pas tant qu'elle ne reconnaît pas les deux bagues. C'est et qu'en gros, il ne peut pas tricher, il ne peut pas regarder la série sans vous. C'est génial, Laure. C'est génial pour faire croire à mon mec que je l'attends. Mais là, tu peux plus tricher. Ah bah si, je peux aller le voir sur internet pendant ce temps-là. Oh non, mais laisse. Ah bah oui, mais en attendant, lui, il croit que je l'attends, donc c'est super. Lui, il est peut-être avec sa maîtresse pendant oui, Clément. T'imagines les couples qui se séparent. Tu vas frapper à la porte en disant par contre, je voudrais récupérer la bague Netflix parce que c'est vraiment la bague Cornetto, je la tiens de ma grand-mère. Qui elle-même la tête de son arrière-grand-mère. Mais le pire, c'est surtout s'il arrive et qu'il te donne la bague, tu crois qu'il va te demander en mariage, c'est juste pour mater des séries avec toi. Non, c'est pour Games of Thrones. Redescend d'un étage. Mercredi 31 août, bon réveil à tous. On joue avec vous donc pour des places pour Justin Bieber. Ça, c'est dans deux secondes, mais tout de suite, c'est Jane Makeba. Bon réveil. Salut, c'est Jane dans Virgin Tonic. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, it's Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, it's Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, makes my body dance for ya. Can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, it's Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, ooh, it's Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, it's Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, ooh, it's Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, it's Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, ooh, it's Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, it's Makeba, Makeba, Makeba, Makeba, ooh, it's Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, it's Makeba, Makeba, Makeba, bon réveil à vous tous, 7h20, bienvenue dans le Virgin Tonic. Merci de nous avoir choisis les copains, beaucoup de courage. Mercredi 31 août, veille de rentrée pour tous les étudiants du public. On vous souhaite beaucoup de courage et pour le moment, on joue avec vous. On a des cadeaux magnifiques, on a 50 ans de loyer. Le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France, c'est à gagner le 16 septembre. On a 2000 euros à dépenser chez But et pour le moment, on joue pour ce qu'on fait tous les jours, un tour du monde pop rock électro. Là, le tour du monde, il est pas très loin, c'est Paris, mais c'est là qu'il est en concert de Justin Bieber. On vous offre le séjour à Paris, les places, tout frais payé. Vous venez nous voir et vous venez profiter de ce concert. Deux personnes vont être en concurrence, une seule gagnera ces deux places. Ils vont se départager au jeu du pitch de film. Pitch, oh mon pitch, c'est le pitch game. Et c'est bien sûr Virgin Radio. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Ne serait-ce un pitch? Mais bien sûr, peut-être en train de petit déjeuner. N'hésitez pas à pitch. Votre partenaire Calcium. Alexandra et Roland vont s'affronter ce matin. Salut les copains. Oui, salut. Salut. Salut. Il est d'où Roland? De Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand et Alexandra? Alors du territoire de Belfort, dans l'est de la France. Très bien, parfait. Alors les amis, attention. Vous allez vous départager avec le pitch de film. Alexandra? Oui. Je vais te faire jouer avec Clément. Avec plaisir. Roland, d'accord. Tu vas jouer avec Laure. C'est bien, ça fait garçon-fille, garçon-fille. Clément, il va avoir la pression, hein, mais une pression de dingue. C'est toi qui vas l'avoir, tu vas voir. Vous allez jouer ensemble. Ce n'est pas que Clément et Laure les responsables, vous allez jouer ensemble. J'explique. On va commencer avec Alexandra et Clément. Alexandra, ma belle, c'est très simple. Oui, oui. J'ai mis plein de films, juste les titres de films, dans un bol. Je vais passer ce bol à Clément. Il aura exactement 30 secondes. Pour essayer de te faire deviner le maximum de films. Vous qui êtes aussi peut-être déjà en voiture, jouez avec nous. N'hésitez pas. Et on verra lequel des deux a découvert le plus de films. D'accord ? Ok. Clément, je compte sur toi. Clément. On va faire le maximum. Le maximum. Attendez, Clément. Oh là là là là là là. Ballez pas, te l'escalope. Attends. S'il te plaît, c'est un enjeu. Tu peux pas t'imaginer pour moi. À 30 secondes, on y va. Laure ou Clément, lequel des deux va faire gagner les places pour Justin Bieber ? Top chrono. Le premier, c'est un dîner qui se passe le mercredi. On invite des gens. Il y a Thierry Lhermitte, Jacques Villeray. Oui, très bien. Exactement. J'accepte. C'est un mec qui va sur une autre planète et il n'y a personne d'autre avec lui. C'est un film assez récent avec Matt Damon. Le truc sur la lune. Ouais, c'est ça. La planète d'après, très vite. Mars. C'est pas le Twix. Mars, voilà, Mars. Il est comment? Il n'y a personne avec lui. Mars, il est à la lune avec personne. Vite, passe, c'est pas grave. Passe. Quand tu te maries, qu'est-ce que tu mets au doigt? Une bague, une alliance. Voilà, hein. Vas-y. On met quoi, hein? Une alliance. Un anneau. Non, mais là, pas un anneau. Et le seigneur des anneaux, bien sûr. Ah, t'as perdu trop de temps sur Mars. Aïe. C'était seul sur Mars, c'est ça? C'était seul sur Mars. Ah, bien sûr que tu pouvais passer. Ah, mais je savais pas que je pouvais passer. Ah, ça y est. Les femmes. Roland, mon bichon, toi tu vas jouer avec Laure, c'est parti. Pitch de film. Alors, ce sera difficile de faire pire que Clément. Ouais. On y va, attention. 30 secondes, Roland, c'est à toi, top chrono. C'est un film avec une bande de copains avec un accent très très prononcé du nord, de l'Afrique du Nord. La vérité, si je mens. Oui, c'est un film qui se passe dans le nord, dans les Hauts-de-France, du coup, avec un fromage cuit. Ouais, c'est. Oh là là, c'est très compliqué. C'est un film où j'ai rien compris, donc j'en prends un autre. C'est un film avec un extraterrestre, et c'est l'extraterrestre qui est le titre du film. Le Big Deal ? Mais non. Non, un autre. Mais non, un autre. Je sais pas. Alien. Ah, c'est fort, dis donc. Comment ? C'est fort, je trouve, je l'ai hyper mal expliqué. Un extraterrestre qui sort du truc, bah oui. J'avoue. Alors, ça fait combien ? Ça fait deux, hein. Ça fait deux bonnes réponses. Roland, t'as des enfants ? J'ai des neveux. T'as des neveux, bah tu vas leur faire très très plaisir, puisque écoute bien ce que tu gagnes. Oh, c'est super. Le tour du monde pop rock électro qui continue, on vous gâte hein, pour notre semaine de rentrée. J'espère qu'on vous fait plaisir. Lundi, on vous a offert les Red Hot. Hier, on vous a offert The Avenger. Là, ce matin, c'est Justin Bieber. Tu vas pouvoir l'applaudir à l'Accor Hotel Arena. Génial, Camille. C'est le nouveau Paris-Bercy. C'est le 20 septembre prochain. Hôtel et transport offert, bien sûr, par Virgin Radio. Roland, on est très heureux de te faire ce cadeau. Merci beaucoup. Merci pour cette rentrée. Continuez, vous êtes des amours, quoi. Eh ben, t'es un amour. Merci, mon Roland, on embrasse aussi très fort Alexandra. Bisous. On lui trouve un très très beau cadeau aussi à Alexandra. Demain, on vous offrira des places pour applaudir. Écoutez bien, parce que j'ai oublié DJ Snake à Chicago. Énorme. Génial. Et alors, vendredi matin, tout le monde se calme. Vous pouvez faire le tour, on sera les seuls à vous offrir ces places magnifiques. Adèle en concert. On vous a déjà envoyé voir Adèle en concert. C'était à Paris. Là, c'est à New York. Tout frais payé. Vous pourrez aller la voir. 39-16 pour vous inscrire. On est tellement heureux de vous retrouver pour cette saison 3 du Virgin Tonic. On voulait vous faire des cadeaux magnifiques. 7h moins le quart. Serge Peretta, I Cry. Voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio. Excellent réveil à tous. Hi, this is Julian Peretta on Virgin Tonic. So hard to think about what we could have been, where life could have taken us. Blame it on the wind and cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. That's why. I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Tous 6h48, j'espère que ça va pour vous sur Virgin Radio. On est là tous ensemble. Je sais que vous êtes nombreux à déjà avoir pris la voiture. Ça y est, d'autres sont encore à la maison au petit-déj. Et ben en tout cas, soyez prudents. Merci d'être avec nous, les copains. Soyez prudents en voiture, prudents au petit-déj. Oui. Ça devrait tout bien se passer. Alors, en tous les cas, on est là 6h-9h. Oui, Popo. Des fois, on croque la cuillère, on se casse une dent. C'est... Non, c'est peu, non, ça n'arrive pas souvent en Ginger. Et le coude sur la miette, on en parle ou pas? C'est atroce. C'est horrible. Faut faire attention. Non, mais on n'en parle jamais de ça. Le coude sur la miette, ça fait mal. Bah ouais. Mais ça fait, mais c'est rien une miette. Vous voyez le mal que ça peut faire une un miette. Un mal de chien. Ah non, mais c'est pas possible. Oui, Clément. Non, mais le café chaud qui se renverse. C'est ça le pire. Bah oui. Le matin, non, mais... le plus gros des accidents. 80% des accidents de table, c'est dû à un café au petit déj qui se renverse. Non, mais je suis là. Non, mais voilà. Ok, bon, il peut y avoir des petits sinistres ménagers. D'accord. Mais la miette. Voilà. D'accord. Tu langues, elle fait mal cette miette, c'est pas possible, Clément. Et quand tu mets ta langue dans le grille-pain pour faire rire tes amis. Non, il n'y a que moi. Il n'y a que toi. Ça représente quand même 0,2%. Les amis, restez avec nous, il est 7h10. Il y a plein de choses qui arrivent. Un loyer, moi déjà, à vous offrir, ça c'est tous les matins, 6h20, 7h20 et 8h20. Vous pouvez vous inscrire dès à présent, loyer au 7, 12, 13. En plus, chaque SMS est comptabilisé pour les 50 ans de loyer. Ça c'est le 16 septembre prochain, c'est le plus grand cadeau jamais offert sur une radio en France. Je vous donne un petit exemple. Ouais. Vous avez un loyer de 790 euros. Je vous ferai un chèque de 474 000 euros le 16 septembre prochain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. The Avener, We Go Home. Voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Encore une belle matinée à vous tous. On est très très très heureux de vous retrouver depuis lundi. C'est parti pour une nouvelle saison 6h-9h tous les matins. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Facebook, Virgin Tonic officiel. Retrouvez tous les délires. Bonjour Esteban. T'as une chérie? Ça te regarde pas. Les photos, les humeurs. On se présente un mec à la famille, ils font une hola. C'est horrible. En même temps, il faut expliquer que tu sors avec Ibrahimovic. Les punchlines. Alors, il n'y a pas écrit Facebook et tu? Et les vannes de toute l'équipe de Camille Combal. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non, mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. C'est la rentrée No Stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos. C'est des bics. Voilà, et tes cahiers. Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24 par 32, grand carreau Clairefontaine. Bic cristal assorti par 5. Carrefour. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40 euros. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Hein. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les 880 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. Mais un meilleur En ce moment, c'est le Happy 55e anniversaire Auchan. Anniversaire veut dire cadeau. D'ailleurs, j'ai entendu parler de voitures à gagner. Oh, ben dis donc, ça m'intéresse. Attends, écoute. Jusqu'au 13 septembre, Auchan fête son anniversaire et met 55 Renault Twingo en jeu. Alors tentez votre chance chez Auchan et dans les magasins à deux pas. 55 Renault Twingo à gagner. Super. Et 10 Renault Twingo de plus sont à gagner dans les magasins Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Jeu gratuit sans obligation d'achat pour l'ensemble des magasins et sites participants. Voir règlement sur Auchan.fr. Happy égale heureux. Virgin Radio. Virgin Radio. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Levis qui s'ouvre à la vie, on ne va loin que jusqu'au bout, bien plus qu'un pari et même un défi. Si je reviens, ce sera debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut, croire en son étoile pour toucher le ciel. Moins 5, bienvenue sur Virgin Radio, mercredi 31 août, toute l'équipe qui est là, Laure, Clément, oui, Pauline, on est à vos côtés chaque matin, bien sûr, beaucoup de courage à vous, courage aux enseignants, c'est leur rentrée aujourd'hui, puis demain pour tous ceux qui sont dans le public, dans un instant, à 7h, comme tous les matins, on fera un gros point sur l'actu, et puis juste après, à 6h05, c'est la question de ouf. Et on va chanter ce matin, on vous a demandé de chanter Céline Dion pour que tu m'aimes encore, tous ensemble, on a fait un petit montage avec tous vos messages sur le répondeur. Avec chacun, on a pris un petit passage de la chanson et on a créé la version Virgin Tonic de Céline Dion. Ah, j'adore. Et ton âme. Bon, ok, pas trop, pas grave. Je pars vite sur Céline, je pars vite. Les amis, il vient de m'arriver un truc. Alors, je voudrais partager avec vous 3916. Tiens, appelez-nous. Dites-nous si ça vous le fait aussi. Je suis allé aux toilettes. Oui. Voilà. Non, je suis allé aux toilettes en me lavant les mains, Clem. C'est souvent un truc qu'on fait en général après avoir fait pipi. Je me suis mouillé la manche de mon. Ça, tu l'as jusqu'à 11h. Non, mais. À ce point-là? Non, ça sèche assez vite. Oui, peut-être 11h, c'est un peu abusé, Clem. Mais ça sèche vite, mais ça... pendant 5 minutes, ça te rend dingue. Ouais. C'est ronchon, t'es ronchon. Mais ça, ça énerve de fou. Ouais. Ça énerve comme quand t'es en boîte, tu sais que t'arrives et qu'il y a un videur qui te dit. Attendez, et en fait tu vois qu'il y a personne et que t'attends pour rien, que c'est juste son pouvoir. C'est le même énervement, c'est le degré 12. Ouais, enfin non, on rentre. Non, mais après il te fait rentrer, mais il te dit attendez, il te fait patienter, non, mais pour rien. Exactement ce truc-là, c'est horrible. En fait, tu sais pourquoi? C'est justement pour créer, à mon avis, hein, c'est pour créer justement de la queue devant pour que les gens ils disent waouh, cette boîte, mais la demande qu'il y a, et après quand tu rentres, tu fais non, vous êtes sérieux? On a payé pour ça. Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, et les trucs qui énervent, comme quand. Il y a des trucs qui énervent 5 minutes. Oui. Ouais. Pas plus, mais qui rendent dingue. Quand ta box internet marche plus. Tu peux pas casser un mur. Ouais. Mais genre, mais tu les appelles et tout, tu deviens fou. Mais vous savez pourquoi? Non. Parce que vu qu'ils veulent à fond les abonnements, tout passe par la box maintenant. Mmh. Et avant, la box, elle marche pas de. Oh, pas d'internet. Aujourd'hui, t'as plus d'internet, t'as plus de téléphone, t'as plus de lumière, t'as plus d'eau. Il y a tout qui passe par ta box. Ta box, elle s'arrête, ta vie, elle s'arrête. C'est clair. Genre, t'es plus joignable c'est de clair. Rien. En une seconde, t'as un homme de Cro-Magnon. Laissez-moi. Je dirais que t'es terré, que plus personne va jamais te retrouver dans ton appart. Alors, il y a pas des trucs qui t'énervent en 5 minutes? Si, c'est quand j'appelle mon ascenseur et que j'attends 5 minutes et qu'en fait, au bout de 5 minutes, je me rends compte que je l'avais pas appelé. Ça me l'a fait une fois, moi. J'ai appelé, j'ai attendu pendant 5 minutes, je me suis rendu compte que j'en avais pas. C'est hyper énorme. Autant pour moi. Chez moi, il est à 17h22 le soir. Donc si je le loupe, le prochain, il est à 19h. Moi. Ça, c'est les heures fixes. N'importe quoi. Un chauffeur. Ça s'appelle un bus club. Ah, c'est ça. Donc c'était un ascenseur horizontal. Je comprenais ça. C'est bizarre. Tiens, il y a Valérie, il y a Guillaume, il y a plein de monde avec nous au standard au 3916. Salut tous les deux. Salut. Valou, Valoche. La Valounette, la Valérie. Est-ce qu'il y a un truc qui. Que quand ça t'arrive dans la vie, ça t'énerve pas pendant 4 heures, mais pendant 5 minutes, t'es hystérique. Ta box, elle plante, t'es hystérique pendant 5 minutes. La box, c'est mon mec hein, qui devient fou. Mais parce qu'effectivement, t'as plus rien. Mais moi, il y a deux trucs qui m'énervent, et particulièrement la boîte de conserve. On en parle de la boîte de conserve en 2016. T'essaies de l'ouvrir, tu forces. Plus tu forces, plus tu t'énerves, plus tes mains deviennent moites, plus ça glisse et moins t'arrives à l'ouvrir. Je pourrais l'acheter contre ma fenêtre. Hein. Surtout, on est d'accord qu'il n'y a pas un ouvre-boîte qui est identique en France. Non, c'est clair. C'est comme les tire-bouchons. C'est n'importe où t'ailles chez quelqu'un, personne n'a le même tire-bouchon. Alors là, non, en fait, il y a un système de soupape sur celui-là. Là, sur le côté. En fait, ça déclenche un cliquet. Ce cliquet-là, tu le relèves. Et tout le monde est hyper content de son tire-bouchon. Il n'y a pas une personne au monde qui dira, ouais, j'ai pris ça, il est un peu pourri. Tout le monde a genre le meilleur tire-bouchon de. Ouais, tu vois, là, hyper, hyper simple. Enfin, tu vois, c'est hyper simple. Hyper simple visage. Tu dis quoi, c'est un truc de mec quand même. Non, mais on l'a tous de. Je sais pas d'où il nous sort, mais ouais, franchement, c'est quoi ton tire-bouchon, Clem? Moi, j'ai un tire-bouchon de Gaulle, tu sais, qui lève les bras. Je vous ai compris! Tu fais jamais la même chose, tu tires! Et du coup, les deux côtés se lèvent comme quand il lève ses bras. Je vous ai compris, ça s'appelle un de Gaulle. Ah vous? Ouais, enfin, nous on appelle ça comme ça, je sais pas. Alors, c'est quoi ton tire-bouchon? Moi, il est tout pourri. C'est quoi? Bah, c'est un, tu sais, les tire-bouchons de base, mais tout pourri. D'ailleurs, si vous voulez m'offrir un tire-bouchon, je suis. Hey, les vacances n'ont pas changé. Hein. N'importe quel truc, c'est ça peut venir sur un cadeau. Quoi. Il y en a pas au bureau qui traîne. Bah, on va le trouver. Non, va moi, c'est un truc comme ça. Là, tu sers et après tu cliques sur le côté là, comme ça. Ah, ça clique et ça remonte, mais ça remonte jamais comme il faut. Donc tu finis comme un tire-bouchon à tirer comme un idiot. Nico du bureau. Ouais, moi j'en ai un électrique. Et je vous ai dit, personne n'a le même tire-bouchon. Et t'appuies sur le bouton, effectivement. Donc après, le petit teuteux il rentre dedans. Effectivement, par contre, le petit quoi? Bah, c'est un teuteux, je sais pas. Le petit teuteux, la queue en tire-bouchon là? Ouais, c'est le tire-bouchon, c'est pas un teuteux, d'où tu sors un teuteux. Oui, mais dans le tire-bouchon, tu sais le truc qui fait justement la queue de. C'est le tire-bouchon, ça. Ah ouais, d'accord. Ah bon. C'est la queue. C'est le tire-bouchon. Le tire-bouchon, c'est le truc en général. Enfin, le truc. Non, et alors toi, il est comment? Et moi, j'en avais offert aussi à mon père où tu mettais dedans. Mm. En fait, ça faisait la pression avec l'air et au bout d'un moment, avec l'air, ça faisait sortir le truc. Ça, c'est génial. Ça. C'est pas mal, mais du coup, le bouchon, il sort d'un coup là. Avec, c'est un peu flippant. Le teuteux. Oui. Alors, Guillaume, qu'est-ce qui t'énerve, toi, en 5 minutes, mon poteau? Ah, moi, c'est quand je suis dans mon lit, en fait, que je viens de faire tomber mon téléphone dans la couette. Et en fait, c'est toujours introuvable. T'as l'impression qu'il joue à cache-cache avec toi. Et ça dure 5 minutes, ça te fait chier. Ah, bah ouais, non, mais. Et puis, il y a le truc de t'es couché, t'as oublié un truc. Mmh. Ah là là, c'est que ça m'énerve. Enfin, je crois que t'as oublié. Ah non, t'as oublié, t'es dans ton lit, d'un coup, tu dis mince, mon tire-bouchon. Mon teuteux, je picole un peu au lit. C'est un vrai souci. Papopo du standard, c'est quoi toi? Moi, c'est quand je fais la queue. Merci. T'as fait de me tourner vers toi. Quand je fais la queue au supermarché et que je me rends compte que j'ai pas pesé les légumes. Ah, c'est insupportable. Et les fruits, ça me rend complètement taré. Ah, c'est insupportable. Ah ouais. C'est pas possible. Nico du bureau. Non, le pire dans ces cas-là, c'est quand tu retournes justement peser tes légumes et que tu croises le regard des 4 personnes qui sont derrière toi. Merci Clément. Tu crées un bouchon, mais heureusement, il y a un tir. Merci. Ah là là là là, on va pas faire l'année comme ça. Non, on ne fera pas l'année. Hein. 7h01 les amis. Est-ce que vous voulez écouter The Avenir? Ah oui. Eh ben avant les enfants, j'imagine. Non. Avant les enfants, il va falloir écouter les infos. Eh oui, avec tous nos journalistes partout en France. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Virgin Radio. On vient dans un instant. Ne bougez pas. Radio. Your radio. Pop rock. Electro. Radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. La météo, pas de changement pour aujourd'hui. Du soleil sur l'ensemble du pays, à l'exception du sud-est où les orages vont continuer d'éclater au fil de la journée. Coup de tonnerre aussi en Corse, 25 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 28 à Paris. Emmanuel Macron à la une de tous vos journaux ce matin, à 38 ans et après de multiples provocations. Le ministre de l'économie a donc démissionné. Il va désormais se consacrer entièrement à son mouvement En Marche, sans exclure d'ailleurs de se présenter à la présidentielle. Son poste revient à Michel Sapin, passation de pouvoir à 9h ce matin à Bercy. A noter aussi la démission de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, pour raisons personnelles. Elle est remplacée par Erika Barretz, qui devient la première réunionnaise à occuper ce poste. C'est la rentrée des profs. Aujourd'hui, 860 000 enseignants du primaire et du secondaire dans le public et dans le privé vont préparer la nouvelle année scolaire. Il faut que tout soit fin prêt pour accueillir dès demain quelques 12 400 000 élèves. Une rentrée marquée par la mise en œuvre de la controversée réforme du collège. Et sur ces 12 millions d'élèves, ils sont plus de 2 millions à prendre le car tous les jours pour se rendre à l'école. L'occasion pour la prévention routière et la société Keolis de lancer une campagne de prévention. Elle vise à rappeler l'obligation de boucler sa ceinture à bord des bus. Alors que 65% des Français ne s'attachent pas dans les autocars. Bilan, les accidents de car ont fait 42 victimes et 127 blessés l'an dernier en France. Les éleveurs et Lactalis ont trouvé un accord sur le prix d'achat du lait. Il est revalorisé à 280 euros la tonne pour ce mois-ci, avant de grimper de 5 euros tous les mois pour parvenir à 300 euros en décembre. Sortie de crise saluée par Manuel Valls, mais deux syndicats restent sceptiques. Apple reconnu coupable de ne pas avoir payé d'impôts en Europe. Bruxelles demande au groupe informatique de régulariser sa situation en remboursant plus de 13 milliards d'euros à l'Irlande. Une goutte d'eau pour le géant américain, mais Apple va tout de même faire appel. Et puis le chanteur de R&B Chris Brown, qui refait parler de lui. Il a été arrêté à son domicile cette nuit près de Los Angeles après une plainte. Une femme a appelé la police en disant qu'il l'avait menacé avec une arme à feu. En foot, les Bleus s'envolent aujourd'hui pour Bari en Italie. Match amical demain soir 21h. Raphaël Varane va retrouver sa place en défense centrale et le brassard de capitaine en l'absence de Hugo Lloris. En tennis, belle journée pour les Français engagés hier à l'US Open. Paul-Henri Mathieu, Nicolas Mahut, Jérémy Chardy, Gilles Simon et Kristina Mladenovic se sont qualifiés pour le deuxième tour. Seule Pauline Parmentier va devoir quitter New York après avoir été éliminée par Caroline Garcia. Voilà pour l'actu. Bon réveil. Salut à tous, soyez les bienvenus sur Virgin Radio, 7h04, j'espère que tout va bien, vous êtes nombreux déjà en voiture, je le sais, dans les transports aussi, soyez prudents, d'autres sont encore sous la douche, on pense très très fort à vous, il y a Laure, il y a Clément, salut. Il y a Pauline du Coucou. Standard, j'espère que ce mercredi sera une belle journée pour vous, on a plein de monde avec nous au 3916 aussi, il y a Fred, il y a Pauline, il y a plein de gens, ça va tous les deux? Salut, ça va les copains, restez avec nous, vous le savez, cette émission c'est la vôtre, appelez-nous n'importe quel moment au 3916, on se réveille tous ensemble le matin, mais pour le moment, à 7h05, est-ce qu'on se ferait pas à question de ouf? Bah oui. Clément a des questions à poser, en général elles sont ouf, complètement allumées celui-là, et vous répondez sur notre messagerie 01 84 07 08 09 chaque jour. Aujourd'hui on vous a demandé de chanter. Question de ouf. Et oui Clément, du Céline Dion. Exactement, la question de ouf ce matin c'est: est-ce qu'on se chanterait pas pour que tu m'aimes encore, tous ensemble là sur le répondeur? Alors nous on a monté tout ça et ça donne ça. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, je suis parti par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tu nous appelles là, les amoureux s'éteignent. Il faut que tu saches. Notre danse déserte, je cherche ton âme, en toi dans les flammes, je te jetterai des sorts, que tu m'aimes encore. Ouais. Pas pire que nous, hein. Je vais vous dire un truc, c'est vraiment pas mal. 7h06 les amis, merci d'être avec nous, merci de jouer le jeu chaque matin. Tout de suite c'est The Avener. On vous a offert hier des places pour aller l'applaudir à Ibiza. Et on l'écoute tout de suite, We Go Home sur Virgin Radio, excellent réveil. Virgin Tonic. Virgin. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know, I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh. I'm not supposed to think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over. Bon réveil à vous tous, 7h09, c'est mercredi aujourd'hui, le 31 août. Et oui, c'est le Virgin Tonic, 6h, 9h, on vous accompagne chaque matin avec toute l'équipe. Oui, oui. Attention, alors l'équipe, alors vraiment, on a les plus belles filles de toute la bande FM. Oh, avec nous chaque matin, j'ai cette chance, Laure, Pauline au standard, Ginger sur les réseaux. Et alors, en revanche, sur mon équipe homme, on a quand même Clément qui vient bosser en Bermuda. En Bermuda, Clément. Et tu sais pourquoi, je vais t'expliquer, c'est très simple, c'est une technique, c'est psychologiquement pour avoir un sentiment d'être encore un petit peu en vacances. Mm. Ce Bermuda, c'est celui que j'ai porté pendant les vacances de temps en temps, que j'ai pas lavé depuis le mois de juillet. Et il a gardé cette odeur. Ça me rappelle les et d'ailleurs, tu sais ce que j'ai retrouvé dedans, un truc qui me rappelle les vacances, regarde, un préservatif. Mais c'était les vacances de 95. Non, regarde, j'ai des tickets de manège. Regarde, c'est des jetons de manège en fait. Que tu fais du manège l'été? Ben, j'emmène mes petits neveux et je leur ai dit, je croyais que j'en avais plus. Et en fait, j'en ai retrouvé 8. Donc il me reste 8 jetons de manège. Donc c'est même pas une légende, tu l'as vraiment pas lavé, on blaguait, mais c'est ça en fait. Ben non, mais j'ai mis les vacances, c'était il y a pas si longtemps. C'est moi, j'ai qu'un truc qui me ramène aux vacances, c'est que j'ai toujours pas rangé, j'ai vidé. J'ai pas encore mis ma valise à l'endroit des valises. On a tous un endroit à valise. Et donc quand je passe devant, elle est encore, bon, elle est refermée, debout sur ses roulettes. On dirait qu'elle est prête à partir. En mode non, mais je suis partant, moi. Je suis chaud. Je repars quand tu veux, tu vois. Et donc chaque fois que je passe, je la vois et je me, je suis encore. J'ai pas envie complètement de la ranger. Je me dis, je suis encore un peu en vacances, Laure. J'ai rangé hier mes valises, mais par contre, moi, j'ai retrouvé un noyau de brouillon dans mon sac, en faisant mon sac lundi pour et la rentrée. C'est un truc de vacances. Et ben non, c'est pas ça. C'est que mon mec ne veut pas jeter les noyaux par terre. Mais par contre, ça ne dérange pas de les jeter dans mon sac, tu vois. Mais pourquoi il veut pas? Parce qu'il est hyper propre, il respecte grave les règles, il est hyper à cheval sur les règles, Juju. Mais alors, ça fait quoi alors, jeter je crois que c'est même pas interdit, je pense. Ça peut faire pousser un autre brunier. Peut-être pas dans ton appart ou ta valise. Un brunionnier. Comment? Peut-être pas dans l'appart ou dans la valise. Il faut les jeter dehors, ça pousse. Ouais, mais pas l'appart, mais dehors, il peut le jeter. Du coup, non, il a pas voulu. Il l'a jeté dans mon sac. Mais lui, quand il mange les brugnons, il enlève tout. Vraiment, ça reste un noyau comme si tout neuf. Oh, même là, il lui trouve une qualité. Ouais, mais c'est clair. Mais enfin, vous, c'est craquable. Mais lui, il a tellement une dentition parfaite qu'il enlève chaque particule du brugnon. Donc, c'est pas dégueulasse, quoi. Non, j'ai un autre truc tiens, qui me ramène aux vacances. J'ai encore je suis pas énormément bronzé, mais j'ai encore la petite marque de bronzage de ma montre. Ah ouais. Et chaque fois que tu prends ta douche sur la marque de bronzage, je suis encore bronzé. Ah, je suis encore un peu en vacances. Il y a des trucs qui vous ramènent en vacances. Tiens, qu'est-ce qu'on va demander? Attends. Pauline, mais du standard au téléphone, au 3916. Ça va, Pauline? Ça va, Camille? Ça va, ma chérie. Alors, dis-moi, ma Pauline, qu'est-ce qui, toi aussi, te ramène un peu en vacances? Alors, moi, c'est quand je passe là l'aspirateur de mes tapis, je retrouve plein de grains de sable. J'ai tous les potes qui se sont essuyés les pieds. Donc, à chaque fois, voilà, ça me fait rappeler. Tous ces petits grains de sable me font rappeler tout le temps les vacances. Ah, dans la voiture, ouais. Ben c'est normal, ouais. Quand tu revois les grains de sable, il y a que Juju, le mec de l'or, lui non, parce qu'en fait, il a des pieds tellement parfaits que le sable, en fait, rentre dans les coussinets et ne va nulle part ailleurs. Il a des pieds en aloe vera. Lui, il peut monter dans ma voiture, alors. Ben oui, lui, il peut. Pauline, c'est quoi, toi? Moi, c'est un caillou en forme un peu approximative de cœur que William m'a offert dans la montagne. Un caillou. Un caillou en forme de cœur. Ouais, il est plat et il est trop beau parce qu'il est en forme de cœur. C'est-à-dire, il y a une partie plus grosse dans le cœur que de l'autre côté, mais je le garde. Alors, il faut expliquer que depuis quelques semaines, t'es folle amoureuse d'un nouveau mec. Oui. Qui s'appelle William. Moi, s'il te plaît. Pas semaine. Moi déjà? Bah oui, ça fait 2 mois. Oh, bah ça fait plusieurs semaines, 2 mois. À l'âge qu'il a, profites-en. Vous avez 10 ans d'écart. Oui. 10 ans d'écart avec son mec. C'est vrai. Et donc il t'offre des cailloux en forme de cœur? Oui. Quel radin. C'est vraiment le cadeau des radins, ça. Non, mais non, pas offrir un cognou. Regarde, ma chérie. Je te rappellerai toute ta vie de notre balade gratuite dans les bois. Grâce à ce caillou que j'ai trouvé gratuitement. Quel rat dégoût, ce William. Oui, Pauline. Mais il a été hyper courageux, il est allé le chercher derrière une grosse vache. Ok, excuse-moi auprès de William, un peu le nouveau Indiana Jones apparemment. L'aventurier qui passe derrière les vaches. Il n'y a rien de mieux qu'une femme amoureuse. Ouais. Non, et moi, mon mec, il fait les brugnons mieux que personne. Et l'autre, non, mais il est trop fort, il est passé derrière une vache. T'as déjà ouvert un journal qu'un mec a été agressé par une vache? Un taureau ou quoi? Les vaches, elles font rien en fait. Tu peux même leur monter dessus, elles font ah bon? Enfin, c'est là pour faire du lait. Enfin, vous pouvez monter dessus, de toute façon, c'est du cuir. Hein. Vous pouvez y aller, pas de soucis. N'hésitez pas. C'est ma voix de vache. J'adore. Mais il n'y a jamais une vache qui a dit oh là, agressé à l'arme blanche par une vache. C'est jamais arrivé. Donc, il n'a pas pris un risque de fou, ton William. Oui, Pauline. Elle peut te charger si elle est enceinte. Hein. Les amis, 7h14, la première émission qui vous donne beaucoup d'infos sur les vaches. Peut-être trop. Mademoiselle Merlov, should have gone home. Voilà, c'est rêve pour le pop rock électro. Puis j'ai un loyer à vous offrir. C'est dans 2 minutes à peine. Restez avec nous. Loyer 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Avec le petit Théo qui fait un foot. Oui, chaussures de football Agility 500 au pied. Avec leur amorti exceptionnel, ces chaussures lui permettent de dribbler tous ses adversaires. Attention, il accélère et bute. Ah, Théo, meilleur buteur de la saison. Meilleur buteur de la cour de récré. Exactement. Chez Decathlon du 17 août au 24 septembre, préparez la rentrée à petit prix avec les chaussures de football junior Agility 500 de Kipsta à seulement 19,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMAF Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de 2 jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur MAF.fr. Intersport. Chloé, quand on aura des enfants, tu crois qu'ils feront du sport le mercredi? Bah oui, ils feront du foot en Nike. Chez Intersport, les chaussures de foot Nike sont à 24,99€. Ok, mais les chaussures de foot Adidas sont à 24,99€. Va pour les Adidas. Va pour les Nike. Adidas. En ce moment, chez Intersport, les chaussures de foot junior Adidas Conquisto 2 ou Nike Tiempo Rio 3 sont à 24,99€ au lieu de 34,99€, soit 28% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions, dates et liste des magasins participants sur intersport.fr. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à mercredi dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur la machine Tassimo Bosch Noire. Nettoyage automatique, compatible système Senseo à 129€, soit un bon d'achat de 51,60€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 1er au 7 septembre. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui, dont YouTube, oui, et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. C'est... Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à condition et éligibilité. En ce moment, c'est le happy 55e anniversaire Auchan. Chérie, si on se fera un nouvel ordi? Ou une tablette? Jusqu'à mardi chez Auchan, pour l'achat d'un ordinateur portable Lenovo 15 pouces, la tablette Lenovo 7 pouces est à 1€, soit l'ensemble à 379€ au lieu de 457€. 379€ les deux, super! Et profitez-en aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Donc 40 centimes d'éco-participation, tablette TAP 2, 7-10 vendue seule 79€, ordinateur G50-45, happy égale heureux. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Il y a exactement le même type de temps aujourd'hui qu'hier. Pas de changement, du soleil pour tout le monde, sauf sur le sud-est. De la pluie et des orages toute la journée sur les Alpes, la Provence et la Corse. Vous aurez 18 degrés cet après-midi à Cherbourg, 19 à Dieppe, 20 à Brest, 24 à Bayonne, 25 attendus à Lille, 26 à Marseille, 27 à Chambéry, Montélimar et Perpignan, 28 degrés pour Paris, 29 à Tours, Limoges et Bordeaux, 30 à Lyon, maximal 32 pour Montpellier. Du soleil pour tout le monde jusqu'à samedi, des averses dimanche sur le quart nord-est. Très bon réveil. Amir au 88 000, Amir nous enchante avec son tube J'ai cherché. Envoyez Amir, A-M-I-R, au 88 000, accédez au catalogue et téléchargez le nouveau titre de la star montante de la pop française, En sonnerie. Amir, au 88 000. Abonnement 3€ par semaine, DGP. Virgin Radio, partenaire de LP, auteur, compositeur et musicienne américaine. Une voix gracieuse et puissante. LP a sorti un des hits surprises de l'été, découvert sur Virgin Radio. Lost on You est un raz-de-marée partout en Europe. En attendant sa tournée, LP arrive en France pour une date événement au Café de la Danse à Paris. Le 20 septembre. La tournée française de LP avec Virgin Radio. Envoyez demain au 74567 pour connaître la date de la rencontre qui changera votre vie. Demain au 74567. Où le rencontrerez-vous? Envoyez demain, D-E-M-A-I-N, au 74567. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio, le nouveau One Republic. Le nouveau 21 Pilots. Le nouveau Lost Frequencies. Virgin Radio. Pop Rock. Tout de suite. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, mercredi 31 août. Merci de nous avoir choisi. Vous avez fait le bon choix. C'est là que ça se passe, tous les matins, entre 6h et 9h. On est là à vos côtés. On est très heureux de vous avoir retrouvé, troisième saison du Virgin Tonic avec toute l'équipe. Et on ne change pas les bonnes habitudes. Ça fait 3 ans que toutes les heures, on vous paye votre loyer. Rien de plus simple, un SMS suffit. Loyer au 7 12 13. Voilà ce qu'il faut envoyer. Vous me laissez bien votre numéro de téléphone. Et si vous êtes rappelé là maintenant, en direct, 6h20, 7h20 et 8h20, vous me répondez Virgin Radio et vous repartez avec votre loyer remboursé. Enfin, un chèque du montant de votre loyer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous le dépensez comme vous voulez. Les amis, je vous souhaite bonne chance. Si vous êtes très nombreux, je vois les SMS devant moi. Vous inscrire, mais après, c'est un tirage au sort. Et on va voir si Eva est bien réveillée. Eva ? Oui. Salut Eva, comment vas-tu ? Ça va ? Eva, je suis ravie de t'entendre. T'es stressée ou t'as froid ? Non, je sais pas comment je suis en fait. Ma chérie, calme-toi. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? C'est Virgin. Ouais. Oh non, ma belle. Oh, merci. Oh, toi, oh, non, ma petite Eva, tu viens d'où? Je viens d'Alès. D'accord, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en école de commerce. D'accord, bah, t'es pas encore rentrée, c'est pas demain pour toi la rentrée? Non, c'est le 14. Le 14. Eh ben, on pense à aussi les collégiens, les lycéens qui sont peut-être déjà réveillés, les parents aussi. Voilà, la rentrée des classes c'est demain, puis les étudiants c'est un peu plus tard, Clément. Vu qu'Eva a l'air très sensible, on va peut-être pas lui annoncer ce qu'elle peut gagner le 16 septembre. Ah non, on va pas encore lui dire. Là déjà, je veux pas supporter donc. Oh, non, ma belle. Merci vraiment, merci beaucoup. Mais t'es un ange. Étudiante en école de commerce, il est de combien ton loyer? C'est quoi, c'est un studio étudiant? Oui, c'est, il est de 400 euros. Oh là. Ah, en fait, tu sais quoi, ma chérie, on va t'offrir 2 mois. Ouais. Oh, t'es trop mignon. T'es tellement mignonne. On va t'offrir 2 mois de loyer. Donc ton loyer, il est à 400 euros. On va te faire un chèque de 800 euros à dépenser comme tu veux. Merci beaucoup. Merci. Tu pourras payer 2 mois de loyer. Tu pourras faire plein de choses. Tu pourras le dépasser en soirée étudiante. En achetant de la DSP. Je peux offrir de la DSP à tes copines, à la soirée infirmière. Ma petite Eva, je suis ravie en tout cas. Merci. Et alors, pour toi et pour tous ceux qui nous écoutaient là, hein, vraiment, soyez pas déçus si vous n'avez pas été tirés au sort. Puisque depuis lundi matin, 6h, et ce sera comme ça pendant 3 semaines, tous vos SMS sont comptabilisés. Chaque fois que vous vous inscrivez, vous augmentez vos chances d'être le grand gagnant des 50 ans de loyer à gagner vendredi 16 septembre 8h20. Eva, un loyer de 400 euros. Si je te reprends au téléphone le 16 septembre, je te ferai un chèque de 240 000 euros. Oh là là. Merci, Camille. Mais déjà là, c'est énorme, vraiment énorme. Merci beaucoup. Eh ben, je suis très heureux, ma belle. C'est super et je vous écoute tous les jours. Et là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup. T'es un amour. Bon, bah écoute, belle journée à toi et bonne rentrée à toi, ma chérie. 7h23, il reste un tirage à 8h20, loyaux 7, 12, 13 pour vous inscrire. Et tout de suite, c'est Mans Zelmerlove, Should Have Gone Home sur Virgin Radio. Pas réveil, écoute une tag. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux, tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Should've gone home. 7h26, belle matinée à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio. Merci à vous tous qui nous suivez peut-être depuis 2 ans, d'autres sont voilà, des nouveaux, ils arrivent un petit peu chaque matin, on sent que vous êtes de plus en plus nombreux, un grand merci de parler en bien autour de vous de l'émission. C'est notre 3e année, on est très heureux d'être là, j'aperçois Laure. Bonjour. On peut pas louper Clément. Il y a également la popo au standard. Bien sûr, 39-16 pour nous joindre, 2016 l'année du 39-16. Bien sûr, bien joué. Les réseaux sociaux aussi, hein. Ginger et moi, on répond à tous vos messages. Facebook, Twitter, Snapchat, Adopte un mec, Tinder. On est sur tous les réseaux. Et alors, on est très content de reprendre cette saison avec vous. D'ailleurs, vous avez été nombreux à être actifs durant l'été. Hein. Oui, beaucoup. Ah ouais, vraiment, ouais. On vous a pas lâché, on est resté avec vous. Ça nous a fait très plaisir. Et je voudrais remercier Mimi d'Amour. C'est une fidèle auditrice. Ouais. Ah oui. Très fidèle auditrice sur Twitter qui fait partie de la team Virgin Tonic. Ouais. Et alors, Mimi d'Amour, elle nous a envoyé un tweet et je l'ai mis de côté. J'ai dit, mais c'est incroyable. Elle m'a écrit, Camille, faut que tu fasses une loi pour savoir comment on coupe les pizzas, team ciseaux ou team roulette. Ah, j'ai tout vu. Et alors, vraiment, je me dis, c'est comme quoi nos auditeurs, ouais, ils nous connaissent très très bien parce que vraiment, c'est voilà, le genre de truc dont on peut parler pendant 55 minutes. Oui, et se mettre à charpie, comme on dit. Ah, hein. Bah, complètement. Vraiment, on peut, nous, dans l'équipe, on peut s'engueuler là-dessus au point de ne pas se parler pendant 2 jours. Ouais. Team ciseaux ou team roulette pour une pizza, Clément. Là, je pense qu'on sera tous d'accord. Ciseaux ? Non, team roulette. Moi, je suis team ciseaux. Ah non, mais ciseaux, tu sais pas où les gens ont mis les ciseaux. C'est peut-être qu'ils se coupent les ongles de pied, les trucs avec chez eux. Tu sais pas ce qu'ils font avec les ciseaux. Mais qui sont tes potes? Mais non, mais j'en sais rien. Mais tes potes avec qui? Tes potes avec les Sins Emilia qui se coupent les ongles des pieds avec le même ciseau pour les pizzas à part trio, quoi. À part un groupe de Rasta Blanc, qui fait ça? Franchement, personne ne fait ça. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Une personne. Non, c'est team ciseaux là. La pizza, c'est 100 fois plus facile, Laure. Non, moi, c'est team couteau, personnellement. Voilà, t'as toujours une autre règle. Excusez-moi, mais il y a à un moment donné, des ciseaux, je trouve ça dégueu, perso. Mais en quoi c'est, mais c'est je sais pas. Ça fait genre, tu coupes un truc. Alors, je vais être honnête avec toi. Voilà. La sensation au moment où tu le fais, elle est pas kiffante. Voilà, j'aime pas. Je peux pas te donner tort. Non. Mais c'est 100 fois plus pratique et 100 fois plus précis. Ouais, enfin, les roulettes, c'est quand même hyper pas pratique parce que c'est pas aiguisé une fois sur deux. Je suis d'accord, les roulettes c'est toujours mignon, on te l'avance, voilà. Ça ressemble à un Vespa et tout, en fait ça coupe rien du tout. C'est joli dans une cuisine, ça fait déco, mais à un moment donné, pour la coupe, il n'y a plus rien. Clément, voilà. On n'a jamais vu des ciseaux dans une machine à laver, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, moi, les miens, ils dans ma machine à laver, j'ai jamais ouvert ma machine à laver. Ouais. Je présume qu'ils doivent y être à un moment donné. Ah non, ils sont lavés. Jamais, personne ne lave jamais ses ciseaux, une fois par an. Mais c'est à couper une pizza avec, Clément. Ouais. Non, mais avant, justement, si tu te coupes des petits trucs, des feuilles, des choses, tu les laisses traîner, et après, tu prends la pizza, bam, c'est sale. Non, mais Pauline, team ciseaux ou team roulette, je rappelle, on cherche la bonne team pour couper ses pizzas. Bah, encore une fois, Camille, on se retrouve. Moi, je suis team ciseaux. Déjà, parce que c'est la classe, parce que quand les gens te voient le faire, ils disent, mais c'est ingénieux ce que tu fais. Ouais, mais il y a des ciseaux dans sa cuisine, mon Dieu, mais quel génie. Donnez-lui un prix Nobel. Exactement. Une paire de ciseaux. Hein. Mais c'est vrai que tu te dis, t'as un côté esprit pratique. Ouais. Mais t'es d'accord avec moi, la sensation au moment où tu le fais, elle est pas géniale. Ben, je sais pas, mais moi, le truc, c'est que de toute façon, j'ai pas de force dans les bras, et avec la roulette, il faut trop forcer. Eh ben oui. Laure. Non, mais c'est ton prénom, Laure. C'est qui cette Laure dont tout le monde parle? On est border Alzheimer quand même. Non, mais elle me regarde vraiment, l'air de dire, mais c'est qui cette Laure dont tout le monde parle? Elle a l'air sympa, vous parlez tous les matins, je ne la connais pas. Non, mais précisez juste que c'est des ciseaux alimentaires, pas des ciseaux de bureau, quoi. Oui, bah oui, tu ne prends pas les ciseaux en papier, je suis d'accord. Voilà. Sarah, tiens avec nous au 39-16, on va demander à Rodolphe, il est temps de savoir. Pour l'instant, on a une team couteau, on a une team roulette, deux team ciseaux. Sarah, tu es quoi? Ah ben, forcément, team ciseaux. Sarah, je t'apprécie. Bah oui, bah c'est pour ça. C'est aussi parce que c'est team Camille, team ciseaux. Exactement. J'aime ton style. Ouais. Tu viens de signer un CDI. Okay. J'arrive. Bah team ciseaux, parfait. Et toi, Rodolphe, team roulette, team ciseaux, team couteau? Moi, je suis team roulette. Yes. Parce que je suis gaucher. Et utiliser un ciseau quand on est gaucher, c'est compliqué. Alors qu'une roulette, main droite ou main gauche. Oui, c'est vrai que c'est comme la guitare, il faut des ciseaux un peu spéciaux quand on est gaucher. Oui. Et oui, sinon on a du mal, Nico. Oui, moi je suis gaucher, effectivement, c'est le gros problème. Et autre chose aussi, quand t'as les ciseaux, c'est qu'il faut relever un peu la pizza, tu sais. Ouais. Et quand elle est bien chaude, t'as toute la garniture qui est en train de tomber au milieu. Ouais, je suis pas d'accord. Ah, d'accord. Eh ben oui, il y a les nouveaux ciseaux avec des revêtements. Déjà, tu peux les mettre au lave-vaisselle, hein, pour Clément. Et puis, tu peux couper ta part de pizza. Elle est direct posée dessus. C'est facile à servir. Ouais. Franchement, avec ce qu'on a envie de faire, j'ai l'impression que. Sarah, est-ce que tu veux devenir porte-parole officielle de la team ciseaux? Ouais. Écoute, j'ai un ministre de la team ciseaux qui s'est barré hier à 15h. si tu peux le remplacer au pied levé, ça pourrait m'arranger. Merci ma Sarah, merci mon Rodolphe. Voilà, j'adore cette émission pour ça. On peut réellement parler, mais on est en train de s'énerver tous sur comment est-ce qu'on coupe une pizza. 7h31, mes amis. Merci d'être avec nous, DJ Snake. Voilà ce qu'on écoute dans un instant pour le pop rock électro. Le temps de faire un point sur l'actu avec tous nos journalistes en France qui se réveillent à vos côtés chaque matin et qu'on embrasse fort. C'est parti, c'est le Virgin Tonic. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, beaucoup de soleil ce mercredi sur l'ensemble du pays. Seul le sud-est va rester sous les nuages avec des averses et des orages attendus sur les Alpes, la Provence et la Corse. 25 degrés en moyenne cet après-midi, vous aurez 18 à Cherbourg, 28 à Paris, 32 à Montpellier. Passation de pouvoir ce matin à Bercy, elle est programmée à 9h entre Emmanuel Macron, le démissionnaire, et Michel Sapin qui lui succède au ministère de l'économie. À 38 ans, Emmanuel Macron a donc présenté sa démission hier au chef de l'État. Il va désormais se consacrer exclusivement à son mouvement En Marche, dont il pourrait faire une rampe de lancement pour la présidentielle de 2017. Le PS a déjà prévenu, les élus qui le soutiendront seront exclus du parti. 717 000 profs du public, 137 000 enseignants des écoles privées. C'est la pré-rentrée des profs aujourd'hui, à la veille de celle de leurs 12,4 millions d'élèves. Une rentrée marquée par la réforme du collège, avec de nouveaux programmes et un nouveau brevet, mais aussi moins de classes bilingues en 6e et davantage de révisions et de travaux pratiques. Une réforme dénoncée le 8 septembre prochain par une nouvelle journée de grève. Un accord sur le prix du lait. Agriculteurs et dirigeants de Lactalis se sont entendus sur une hausse du prix d'achat de la production laitière. Il va passer à 280 euros la tonne pour ce mois d'août, puis 5 euros de plus par mois jusqu'en décembre. La saisie de 370 kilos de cocaïne à Signes dans le Var. La marchandise a été découverte par des employés de l'usine Coca-Cola. Elle était dissimulée dans un conteneur en provenance d'Amérique du Sud, valeur estimée 50 millions d'euros. Aucun suspect n'a encore été arrêté. Vous devez 13 milliards d'euros aux impôts irlandais. Bruxelles somme le groupe Apple de rembourser la facture qu'il aurait dû régler au fisc s'il n'avait bénéficié d'avantages indus. Apple fait appel. Le PDG Tim Cook se dit confiant. Il pense que la sanction sera annulée. Vous adorez un chanteur, mais vous n'osez pas trop le dire sur Facebook. Eh bien, un nouveau réseau social vient de voir le jour pour assouvir votre passion dévorante pour la musique. Son nom Fan avec un S au bout et son adresse internet fan.com. Je vous ai mis le lien sur Twitter. Fan qui veut devenir une plateforme où chacun pourra librement et avec un pseudo partager plein d'infos sur les stars et les concerts. Du tennis à New York, troisième journée de l'US Open. Parmi les matchs du jour, Djokovic face à Vesely, Nadal contre Seppi et Isner contre Darcy. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil avec nous. Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez tout juste sur Virgin Radio. Et d'autres sont déjà, je le sais, en voiture. On est là de 6h à 9h. Prudence en tout cas. Hein. Si vous êtes sur la route, c'est la rentrée demain pour des millions et des millions d'élèves dans le public. Donc courage à vous tous, peut-être déjà réveillés. Et puis courage aux parents. Ça veut dire journée de rush, les derniers achats de fournitures scolaires, dernières inscriptions, amener chez le coiffeur, faire la coupe au bol. Et puis demain, je sais qu'il y a plein de mamans. Laure a connu ça, Nico du bureau aussi. Des mamans, des papas qui vont être tristes pour ceux qui font leur première à rentrer des classes et laisser son enfant le premier jour à l'école. L'enfant est triste en général, c'est un peu dur, et pour les mamans en général c'est encore pire. Laure, il y a vraiment deux mouvements. Il y a vraiment les mamans qui laissent leur enfant et qui pleurent, et puis les mamans qui laissent leur enfant comme moi maintenant à 14 ans qui font ouais. Eh ben oui, c'est normal. Bien sûr. Ok, à moi la vraie vie. Ouais, la liberté. Oui, Nico du bureau. Moi je croise que des parents comme moi qui disent enfin, en fait, parce que là on arrive à plus que, on est en dodo là, donc on est plus que à un dodo, et au bout d'un moment quand même là ils sont très excités. Moi ma fille hier soir, elle m'a dit, papa, je suis excitée. Elle a appelle Nico pour lui dire pourquoi. Mais c'est-à-dire, elle lui dit, mais je fais des roulades, je elle lui explique ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle n'en peut plus, c'est-à-dire que 2 mois de vacances, c'est très long. Ouais, mais là, ils sont dans un truc où ils sont insupportables, les enfants, il faut vite qu'ils aillent à l'école pour. Ouais. Voilà, on a perdu Clément, il n'y a jamais quelqu'un qui l'a appelé pour dire qu'il est excité. On ne comprend pas le principe. 7h36, les amis, c'est DJ Snake qui arrive pour le pop rock électro. Mais avant, comme chaque matin, à 7h06, c'est Clément justement avec son réponse à tout. Réponse à tout. Et on parle des profs ce matin puisque c'est leur rentrée aujourd'hui. Oui, beaucoup m'ont appelé hier en me disant je fais des roulades, je suis excité. C'est leur rentrée demain. Et j'ai demandé du coup aux enfants quelle est la phrase de prof qu'ils étaient sûrs d'entendre à la rentrée. Alors c'est quoi la phrase de prof qu'on va forcément entendre à la rentrée? Tolérance zéro. Je te préviens, tu te mets pas à côté de ton copain. Arrête de bavarder, donne-moi ton carnet. Te mets pas à côté de tes copines sinon tu vas bavarder. Sors de la classe même parfois. Je vais entendre les mouches voler. Levez la main. Parlez plus, je vous entends jamais. De toute façon, les profs, tout ce qu'ils disent, moi j'écoute même pas. Hein. Arrête de bavarder ou je te change de place. Souvent, il y a la prof un peu victime, ou le prof un peu victime fait bon, cette année, je vous préviens, ce sera pas comme les autres années. Hein. Cette année, vous allez me respecter un peu, là j'en ai marre. Hein. Et si ton copain il saute par la fenêtre, tu vas sauter aussi? Et alors, si ton copain il saute, tu vas sauter? Non. Pourquoi? Parce que je suis pas bête. Mais t'es pas un vrai copain? Ouais. C'est vrai, il faut peut-être que je sois. Je me rends plus compte, il faut 15 jours pour faire le point. 7h37, les amis, DJ Snake. D'ailleurs, demain, hein, si vous aimez DJ Snake comme nous, soyez là, puisque tous les matins, tour du monde pop rock électro qui vous est offert. Et demain matin, c'est des places, tout frais payé. Vous partez à Chicago pour l'applaudir. Talk tout de suite dans le Virgin Tonic. 7h37, bon réveil. Salut, c'est DJ Snake et c'est mon dernier single, Talk, sur Virgin Radio. C'est le Virgin Tonic, vous avez fait le bon choix. C'est là que ça se passe tous les matins, 6h-9h. Avec l'équipe qui est là, bien sûr. Oui. Popo, le standard, c'est le 3916 pour nous joindre. N'hésitez surtout pas, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Courage, hein, je le disais, si vous êtes sur la route. En plus, là, ça y est, plus les jours passent, plus il y a du monde sur la route. Ah oui. On se dit, des gens, ils rentrent là, mais en fait, ils mettent un peu de temps. Il y a toujours d'autres gens qui sont un peu en décalé. Là, je sais, hein, vous qui êtes sur le chemin du travail, ça commence à être difficile. En plus, à partir de demain, tous les gens qui amènent leurs enfants à l'école, ça commence à compliquer. Compliqué. J'ai un chiffre, tiens d'ailleurs, 67% des Français, c'est énorme, hein, presque 7 Français sur 10, disent s'énerver au volant ou insulter les autres conducteurs. C'est ton cas, alors tu dois être toi au volant, tu es une teignasse. Une catastrophe. D'abord, je suis un peu grossière. Ah oui? Ouais. Et puis, non, mais il y a des trucs en fait en voiture qui me rendent dingue. Ah, moi j'ai un truc, c'est quand tu sais, le clignot qui est là au cas où d'ici un an je tourne. C'est le côté de je le mets, puis si ça se trouve d'ici 20 bornes, j'ai envie de tourner à droite pour de vrai. Mais au cas où, moi j'ai rien à dire, je l'ai mis. Donc, on fout ça. Mais quand tu tournes, Clément. Moi j'insulte personne, je suis plutôt calme, mais il y a un petit truc qui peut vraiment me faire monter, c'est quand tu tombes sur un tracteur et que tu peux pas doubler. Tu sais, tu vois jamais en face et tu suis sur les petites routes, par exemple en Vendée, et tu suis un quart d'heure en tracteur, tu perds un quart d'heure. Juste l'été ou quoi, quand il y a beaucoup de circulation, je trouve qu'il devrait y avoir que des heures pour les tracteurs, et parce qu'en plus, c'est pas marrant, mais c'est pas nos voitures, même elles sont pas adaptées pour un impact avec un tracteur, c'est beaucoup plus dangereux. Ah ouais? Ouais, et puis d'un coup, ça roule à 10 km/h à sortie de virage. Je trouve que c'est dangereux. Voilà, petit point route, je me permets. 39-16, tiens, dites-nous ce qui vous énerve en une seconde au volant. Moi, il y a un truc. C'est quoi? Feu rouge, passe au feu vert, même pas passé au vert, t'en as déjà derrière. Ah ouais. On a un millième de seconde pour passer en première ou. Tu sais, le gars, tu sens qu'il est dessus là. Attends, il dit, allez, je vais lui mettre une. Ça me rend dingue, Clément. Le pire, c'est l'inverse. Celui qui passe tout doucement, ça passe orange, il est devant toi. Il te met bien, il te laisse bien en rouge. Opération escargot. Ouais, c'est horrible. Ma spécialidad. Police au standard. J'ai toujours pas le permis, mais mon mec William, il y a un truc qui l'énerve, c'est quand il y a un petit voyant sur le tableau de bord et il sait pas ce que c'est. Ah là, oui. Il savait pas, ça s'appelle la réserve en fait, mais comme il a commencé en calèche, lui il se rend pas compte. En fait, maintenant qu'il y a plus d'essence, il y a un signal qui nous dit en fait, tu lui expliqueras. T'as vraiment envie que je te le présente ou. vous avez 10 ans d'écart, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ah bah lui, c'est. J'ai même pas besoin. Il a une galerie que toi, non? Il a les chinois roto posés une galerie que toi. Non, il a une Suzuki. Oh, bah dis donc. Bah alors. Ah oh, oui, une toute petite, hein. Ah bah oui. Ouais. Mais il était heureux, t'es heureuse avec lui, hein. Ouais, vachement. Ça se passe bien. Bah ouais, c'est en génial. En fait, c'est ça, on disait souvent. En plus, on blaguait si vous étiez des fidèles. On disait, mais Pauline, c'est une senior dans un corps de jeune. Mais c'est vrai. Et en fait, t'as peut-être trouvé ton truc, quoi. Bah oui. Il est senior. C'est vrai, il a ton petit. Non, mais c'est. Ouais, mais il a mon âge. Ouais. Donc, mais ça fait 10 ans d'écart avec toi. Ah oui, non, mais des fois, je le sens, hein. C'est-à-dire, il sent le tapioca? Non, mais il est plus mature que les garçons. Forcément. Mature, ça veut quoi? Il dort à 19h? Non, mais il fait des siestes. S'il a une heure pour ses siestes, c'est qu'il est âgé. Kevin, mon bichon, est-ce qu'il y a un truc qui t'énerve au volant? J'imagine que oui, tu nous appelles au 3916, sois le bienvenu. Bonjour à tous. Oui, il y a un truc qui m'énerve au volant, c'est quand t'es derrière une personne au feu, que le feu passe au vert, que le mec apparemment il doit être daltonien ou je ne sais quoi, et qu'au bout de 10 secondes il commence à mettre la première et partir, et tu te rends compte après en plus qu'il était au téléphone. Ah, je suis d'accord. Ah, super énervant, ouais. Bah, c'est ça qui a l'air. Oui, Pauline au standard. C'est interdit d'être au téléphone au volant. Bah toi t'as pas ce problème, là. Il sait pas ce que c'est qu'un portable, ton mec. Il a encore un tatou. Non, il a les téléphones de voiture, mais avec le fil. Ouais, salut, papa 22, la barge. Il a la Sibis, son mec. Oui, Laure. Radiocom 2000. C'était ça. Manon, ma chérie, qu'est-ce qui t'énerve systématiquement, toi, au volant? Sois la bienvenue, ma belle. Salut Camille, salut tout le monde. Alors moi, c'est quand on me klaxonne, quand j'essaie de faire un créneau, quoi. Ça fait même pas 10 secondes que je le commence, que déjà tout le monde s'énerve derrière. Un peu de tolérance, c'est pas mon point fort. Voilà. C'est attention, parce que je veux pas être cliché, quoi, mais un créneau pour vous les filles, 10 secondes, c'est vite 10 minutes. Hein. Oh, mais attends, la même notion des secondes, hein, pendant c'est un créneau. Évident. Ah, tu vois, c'est pas évident. Oui, Clément. C'est une énorme technique de se mettre derrière quelqu'un, lui mettre la pression quand tu veux la place. Tu sais, elle rate une fois, deux fois, elle fait bon, c'est bon, ouais, et elle fait le tour, et tu prends la place en fait. Ouais. Sinon, t'as toujours, même quand c'est pas toi que t'es en train de rouler, quand quelqu'un commence un créneau, tu peux pas t'empêcher de regarder et dire il rentre pas là. Ouais. Là, il rentre jamais là. Oui, Nico, du bureau. Moi, les créneaux, j'ai un petit problème quand même, c'est quand ils sont à gauche. C'est bizarre, mais tu vois, les créneaux à droite, c'est dans un sens. Hein, ouais. Et à gauche, je fais est-ce que je vais vraiment rentrer? Et c'est pas les mêmes distances, t'as l'impression que tout change alors que. Mais moi j'ai ça aussi. Laure a un problème global avec les créneaux. Ah, mais c'est bizarre parce qu'il est gaucher. Donc normalement ça devrait être l'inverse. Ça devrait être le créneau à droite qui Et toi t'as un problème créneau comment toi? Non, moi je suis hyper forte en créneau. Ouais, bien sûr. Enfin, je suis pas de voiture. Elle a déjà du mal à se garer elle en créneau. Un mec a rentré dans le studio en créneau, elle a déjà du mal. Restez avec nous les amis. 8h moins le quart. On écoute Justin Timberlake, le tube de l'été, Can't Stop the Feeling. On est là avec vous jusqu'à 9h. Virgin Tonic. Yeah. Yeah.

Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Aviva s'adresse à vous. Ceux du matin, levés à 4h, ouverts à 7, 7 jours sur 7. À ceux du soir, qui servent les couches tard. À vous, dont le travail, ce sont les vacances. Et à vous, les passionnés. Phobique du rideau fermé, même les jours fériés. Vous, les pros. Parce que créer ou développer son activité prend du temps, Aviva agit pour que s'assurer en prenne moins. Retrouvez toutes nos solutions d'assurance dédiées aux professionnels sur aviva.fr. Aviva, la bonne idée. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin, une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Virgin Radio. Me demande pas pourquoi je tremble quand t'es là. Si je t'évite et que je tangue, c'est à cause de moi. Maintenant je vois l'amour comme une guerre, j'ai trop souvent fini à l'eau. Comme un con au milieu de la mer ou de la bataille de Waterloo. Tu me dis qu'avec toi, ça ne sera jamais pareil. Qu'il faut savourer l'inconnu. Je voudrais tellement croire à cette foutue ritournelle. Me laisser prendre au dépourvu, mais je ne veux plus. No, I don't wanna fall in love. Qu'avec toi, ça ne sera jamais pareil. Qu'il faut savoir se mettre à nu. Je voudrais tellement croire à cette foutue ritournelle. Me laisser prendre dépourvu, je ne veux plus. No, I don't. Merci d'être avec nous les amis, mercredi 31 août, veille de rentrée scolaire. Rentrée, oui. Alors pour les professeurs aujourd'hui, hein, et pour tous les enfants demain. Donc on s'est dit, tiens, si on faisait un dernier rendez-vous là à cette heure-ci, on pourra. Ce sera difficile après, ils seront sur la route pour l'école. Un grand concours de blagues. Ouais, pour se détendre avant la rentrée. Vous êtes dans le Virgin Tonic, on est là jusqu'à 9h. Vous l'entendez, l'équipe est là. Oui, oui. Et un grand merci puisqu'on a lancé l'appel il y a 2 secondes. On a plein d'enfants qui nous ont rappelé. Le 3916 pour nous joindre, sur le Facebook pour vous inscrire, pour raconter des blagues. Ouais. Ce grand concours de blagues, c'est maintenant. On a un jingle ? Magnifique. L'école des blagues, on le lance tout de suite et on accueille. On en a pris trois parmi les plein d'appels qu'on a eu. 3 enfants qui vont nous faire un grand concours de blagues. Mesdames, messieurs et petits-enfants, bienvenue dans la grande école des blagues. Ah là là, je suis content. J'aimerais qu'on accueille pour commencer Sacha. Bonjour Sacha. Coucou Camille. Bonjour. Coucou. Ma petite chérie, Sacha, tu as quel âge ? 8 ans. 8 ans et tu rentres en quelle classe demain ? CE2. Oh là là, ça rigole plus là. T'es une bonne élève ? Oui. Oui, t'as un chéri ? Oui. Ah, ah, comment il s'appelle ? Lenny. Lenny ? Oh. Hein ? Lenny ? Oui. Joli prénom. Joli prénom, un peu mafieux. Classe. Mais ça fait un peu voyou quoi. Tu connais Lenny les dentés ? Ouais, je te présente. Ma chérie, est-ce que tu nous as préparé une belle blague ? Une blague qui fait rire Lenny quand tu lui racontes ? Oui. Alors je t'écoute ma belle, l'antenne est à toi. Vous tous qui êtes en voiture, c'est parti, c'est le grand concours de blagues du Virgin Tonic. De quelle couleur sont les petits pois? Les petits pois, ils sont verts, vous êtes d'accord l'équipe? Bah oui. Bah non, ils sont rouges, parce que les petits pois sont rouges. Choupinou. Est-ce que c'est possible d'être plus mignon? Je crois pas. À vérifier. Magnifique. Bonne blague, bonne devinette. Ça fait travailler les méninges, on aime bien Clément. C'est énorme quand t'as 8 ans quand elle fait un carton. Je suis sûr que j'aurais fait la même il y a une heure. Je me serais pris un vent. Je suis persuadé. Tu seras à la compta en train de faire ton solde de tout. Non mais c'est un dérapage. Sacha ma chérie, très bonne blague, bravo. T'es contente? Oui. Alors attention, je rappelle, la meilleure blague repartira avec un beau cadeau. On prend soin de vous les enfants, vous le savez. Aujourd'hui, ce sera une tablette tactile VTEC Storio Max avec Wi-Fi, jeu, application intégrée. La classe. Pour faire simple, une tablette voilà exprès pour les enfants. Génial. Vraiment avec tout, voilà, c'est fait pour eux. Vous allez vous régaler. On donne une note à la blague de Sacha. Pauline. 10 sur 10. 10 sur 10. Moi, je mets 10 sur 10 aussi. Et je vous rejoins à 10 sur 10. À 10? Oui, je mets 10. Alors, je prends des risques, 10. 10, 40. Mmh. Oh, 40, énorme. 40 sur 40, c'est la note maximale, Sacha. Ouais. T'es contente? Oui. Bah ouais, tu m'étonnes, il va être fier de toi, ton chéri Lenny. On va passer à Lucas. Bonjour, Lucas. Bonjour. Oula. Bonjour, l'équipe. Salut, Lulu. Lui, il est venu pour en découdre. Hein. Je sens que lui, il est venu pour la gagne. Hein. Lucas, t'as quel âge? J'ai 10 ans. Tu rentres en quelle classe demain? Non, c'est aujourd'hui que je rentre à l'école. Et j'ai 10 ans. Et je vais en CM2. Tu rentres en CM2, d'accord. Très bien, c'est une année importante, c'est une année charnière là. Ouais. T'as l'air convaincu. Alors Lucas, mon bichon, attention, une blague pour toi, c'est le concours de blagues. Si tu as la meilleure note, tu repartiras avec ta tablette. Je t'écoute mon poteau. C'est un jour où une dame dit à sa voisine: vos toilettes sentent toujours bon la lavande. Comment faites-vous? La petite est bon. On utilise celle des voisins. Voilà. C'est bien raconté. Ah ouais? Ah franchement, il y a un vrai jeu, c'est très bien raconté, Laure. Et puis c'est ce que tu fais tous les matins, toi. Tu utilises les toilettes des filles, comme ça, c'est vrai. Même je fais pipi dans les toilettes des filles, mais j'y peux rien. On dirait, il y a des licornes, tellement c'est beau vos toilettes. Elles sont magnifiques, Pauline. Lucas vient de te défendre. Il a dit non. Ah merci, mon Lucas. Lucas, c'est gagné pour toi. Moi, c'est 10 sur 10 pour Lucas. Pauline. 10 sur 10. Je mets 10, c'est un Oscar. Bah 10. 10. Un Oscar, il joue très bien. 40 points sur 40. Pour Lucas aussi. Attention Lucas, il y a quand même une dernière prétendante. On a entendu Sacha, on a entendu Lucas. J'aimerais qu'on entende Blandine. Salut Blandine. Salut. Ça va ma Blandine, t'as quel âge? 9 ans et demi. 9 ans et demi, très bien. Et tu rentres en quelle classe demain? CM2. CM2, parfait. Attention. Blandine, t'as un chéri? Oui. Il s'appelle comment? Lenny. Eh ben, on va être embêté. Il s'appelle comment? Hugo. Hugo, très bien. Eh ben, raconte-nous une blague qui fait rire Hugo. Une maman moustique dit à son petit. Attendez, j'ai pas. Excuse-moi, ma chérie. Blandine, j'ai pas entendu le début. Une maman moustique. Ah, une maman moustique. Excuse-moi, on reprend, ma Blandine. Une maman moustique dit à son petit: ne t'approche pas des humains car ils pourraient te faire du mal. Le petit moustique lui répond alors: mais maman, quand je m'approche d'eux, ils m'applaudissent. Ah, excellent. C'est mignon. C'est très mignon. Ah ouais. C'est très, très, très mignon, Blandine. Ma petite Blandine, 9 ans. Je vais te dire un truc, je te mets 10 sur 10. 10 sur 10, elle a été coupée en plus. Mais j'entendais pas au début. Clément. Bah, 10, évidemment. Et bah, 10. 10, ça fait combien? Oui, ça fait 40. C'est parfaite. 40, égalité, vous gagnez tous les trois, bravo! Ouais. La blague du moustique pour Blandine te permet de repartir. Mais merci à toi, ma chérie, avec une tablette VTEC Storio Max, un très très beau cadeau. Voilà, la veille de la rentrée, vous pourrez frimer sous le préau de l'école. Lucas est gagné aussi. Lucas, je fais un gros bisou à ma famille. Eh ben, on t'embrasse aussi, on l'embrasse aussi, ma petite Blandine. Et c'est gagné aussi pour la petite Sacha. Bisous, Sacha. Bisous. Bisous ma belle, merci à tous les trois. Grand concours de blagues sur Virgin Radio, 8h tout pile. Courage à vous tous, les enfants et les parents. Je sais que voilà, veille de rentrée pour la plupart des tous les enfants. Je sais que c'est une journée un petit peu stressante. Courage à ceux qui sont sur la route. 8h01, point sur l'actu. Et Poums qui arrive dans un instant. Ça c'est pour le pop rock électro. Ne bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, la météo, pas de changement pour aujourd'hui, du soleil sur l'ensemble du pays à l'exception du sud-est où les orages vont rythmer la journée. Coup de tonnerre attendu aussi en Corse, 25 degrés en moyenne cet après-midi, 28 à Paris, 32 à Montpellier. Ça sent le sapin ce matin à Bercy. Michel Sapin va succéder à Emmanuel Macron, démissionnaire à la tête du ministère de l'économie. La passation de pouvoir est prévue dans une heure. Emmanuel Macron, 38 ans, désormais libre de se lancer à la conquête du pouvoir. Il va se consacrer entièrement à son mouvement En Marche. Il présentera en septembre son diagnostic de la situation du pays avant de développer ses propositions au courant octobre. Puis il regardera si les sondages d'opinion lui sont favorables pour envisager la présidentielle. Fini les vacances, c'est l'après-rentrée des profs. Ils sont plus de 860 000 à retourner à l'école ce matin afin de préparer leur classe pour l'arrivée des élèves dès demain. Une rentrée 2016 marquée par la mise en œuvre de la controversée réforme du collège. Le syndicat SNES-FSU appelle d'ailleurs les enseignants à faire grève dès le 8 septembre. C'est l'occasion pour la prévention routière de rappeler une règle essentielle aux 2 millions d'élèves qui prennent le bus tous les jours. La ceinture est obligatoire dans les autocars. Le slogan est explicite. En car comme en voiture, j'attache ma ceinture. Sinon, c'est 135 euros d'amende, y compris pour les enfants. Les accidents de car ont fait 42 victimes et 127 blessés l'an dernier. Il est donc important de bien s'attacher. Un accord a été trouvé sur le prix du lait. Les agriculteurs vont pouvoir souffler un peu. Lactalis a fait un geste. La tonne de lait leur sera payée 280 euros dès ce mois-ci. Puis l'industriel ajoutera 5 euros tous les mois pour aboutir à 300 euros en décembre. Apple reconnu coupable de ne pas avoir payé d'impôts en Europe. Bruxelles demande au groupe informatique de régulariser sa situation en remboursant plus de 13 milliards d'euros à l'Irlande. Une goutte d'eau pour le géant américain, mais Apple va faire appel. Et puis le chanteur de R&B Chris Brown fait parler de lui. Il a été arrêté à son domicile cette nuit près de Los Angeles après une plainte. Une femme a appelé la police en disant qu'il l'avait menacé avec une arme à feu. En foot, les Bleus s'envolent aujourd'hui pour Bari en Italie. Match amical demain soir à 21h. Raphaël Varane va retrouver sa place en défense centrale ainsi que le brassard de capitaine en l'absence d'Hugo Lloris. Et puis en tennis, belle journée pour les Français hier à l'US Open. Mathieu, Mahu, Chardy, Simon et Mladenovic se sont qualifiés pour le deuxième tour. Seule Pauline Parmentier va devoir quitter New York après avoir été battue par Caroline Garcia. L'absence de Parmentier, c'est du gâchis. Voilà pour l'actu. Bon réveil. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic. 8h03, belle matinée à vous tous. Merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic. Oui, à vos côtés, votre partenaire minceur. 6h, 9h, chaque matin. Toute l'équipe est là, bien sûr. Oui, oui. Courage à vous. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année chaque matin sur Virgin. Pour ça, on prend soin de vous. 2000 euros à dépenser dans les magasins but pour la rentrée. Électroménager, tout ce que vous voulez. Ce sera à gagner d'ici 9h. Et puis, bien sûr, 50 ans de loyer. Vous inscrivez pour le loyer 8h20. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Et tous vos SMS sont comptabilisés. Aucun n'est perdu. Il augmente vos chances d'être le gagnant vendredi 16 septembre à 8h20 du plus grand cadeau jamais offert sur une radio en France. 8h04, tout de suite, c'est parti, c'est la question de fou. Question de ouf. Je l'ai faite en verlan, vous allez dire. Question de ouf, j'ai dit question de fou. Ah, je parle un peu de verlan. Merci à vous tous d'être avec nous chaque jour et vraiment de plus en plus nombreux. On le sent, vous nous le dites sur les réseaux, partout, c'est un bonheur. Et alors, on a ouvert un répondeur. Un répondeur qui vous permet de vous exprimer chaque jour, de répondre à la question de l'équipe. Et aujourd'hui, ça va être en chanson, puisqu'on va parler de Céline Dion. Exactement. Allez l'équipe. When you come for me, when you come for me. Radio Tristesse. Sur Radio Tristesse. On vous a demandé à vous de chanter du Céline Dion. On fait un montage. C'est ça. Vous vous enchaînez et ça donne la version Virgin Tonic de Céline Dion. De Pour que tu m'aimes encore. Magnifique. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. Merci. raisonnable et nouveau. C'est un flip par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Tout à là, les amours c'est pas. Il faut que tu saches, j'ai recherché ton cœur et tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes dents, notre danse déserte. Ton âme, dans le froid, dans les flammes, je te jetterai des sorts. Que tu m'aimes encore. Bravo. Bravo à vous tous les amis pour cette version de Céline Dion. Il est 8h06, on écoute Kungs, Don't You Know. On vient avec vous, on vous lâche pas, on est là jusqu'à 9h chaque matin, c'est le Virgin Tonic. Let's go. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Tonic. Virgin. Virgin. Virgin. Tonic. I'm gonna wreck your back. Take it left, oh. Gonna wreck your back. Don't stand, no. I'm gonna wreck your back. Virgin Radio, 8h09, bon réveil. Mercredi 31 août aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Bon réveil à ceux qui sont encore sous la douche, mais vous êtes très très nombreux en voiture, sur le chemin, pour aller au boulot, même déjà arrivé au taf. Merci en tout cas de nous avoir choisis, j'espère que tout va bien dans vos vies. C'est oui. Le bonheur. Oh, oui. Il est où le bonheur? Il est où? Il est quoi? Mais après, reste dans la tête toute la journée. Les gars, c'est ma seule imitation. Je suis obligé, quoi. Vous voulez que je vienne? Ouais. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est là. Bestia comédie. Il est où? Tu fais bien. Le loup dans la bergerie. Bestia comédie. Bon, bébé, bop. Ça, c'est Fiori. Ouais. La différence entre Maï et Fiori, elle est Patrick Fiori, ouais, elle est faible, hein, Clément. Et le pire, c'est qu'on n'a jamais eu la réponse. Il est où le bonheur? Il est. Je serais tenté de te dire un truc, mais. Il est trop tôt, les gens sont avec des enfants en voiture, et je vais pas le dire. Dans le je me tends des perches, si j'ose dire. Je réponds. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le. Tiens, Laure, il est où le bonheur pour toi? Attends, on va faire, on met la musique et après tu réponds, ok? Ok. Il est où le bonheur? Il est où? Quand tu veux. il est quand tu portes des talons toute la journée et que tu les enlèves enfin. De journée. De journée. T'étais pas obligé de chanter. Ouais, ouais, parle peut-être. Ouais. Ouais. Ok, attends, j'en ai un autre. Non, je suis. Hein? J'en ai un autre. Je passe sous un tunnel. Allô, je passe. Aïe. Ah, c'est trop bête. C'est trop bête. Ouais. Clément, je te le fais? Vas-y. Attention. Bah, pareil, hein, quand je porte des talons toute la journée. Tiens, 39-16, il y a du monde au standard. Préparez-vous. Je vais tous vous demander, selon vous, il est où le bonheur? Ok. Tiens, un petit moment. Une petite parenthèse poétique. Attention, on y va. Il est où le bonheur? Il est où? Il est quand tu te réveilles et que tu te dis, ah, faut que j'aille bosser. Et qu'en fait, tu crois qu'on est le matin. En fait, il est 2h du mat. Et t'as encore plein d'heures à dormir. Ah. Et tu te recouches contre ton oreiller ou contre ta chérie. Et c'est un peu long. Voilà. C'est long. Et toi, c'est souvent l'oreiller. Non, mais ça, c'est. Ah. Ouais, ouais. Ce moment où tu ouvres les yeux et tu dis « Oh, mais il me reste tellement à dormir. » Mais c'est tellement bien. Le pire, c'est quand t'as ça, mais qu'en fait, il te reste pas assez. Tu dis « Ah, si je me rendors, c'est dur. Ah, » Et puis, voilà, c'est vrai. Pauline, t'es prête? Oui. Attention, hein, les gens au standard, je vous demande dans 2 secondes. Il est où le bonheur? Il est où? Il est quand tu sors du train, quand t'arrives à Bordeaux et que ton mec t'attend au bout du quai de la gare. Alors que ça fait 2 ans que c'est ton père qui vient te chercher et qui dit « Dépêche-toi, il y a la voiture qui attend. » Ah, il faut expliquer à Pauline, un nouveau mec depuis quelques mois, donc ça y est, là c'est le début. Hein. Quand on vient te chercher à la gare, c'est avant 6 mois, ouais, je te dis d'avance. Ouais. Donc il vient te chercher à la gare, et c'est vrai que depuis tout le temps, vu que tu n'as pas le permis, c'était ton père, en mode il n'y a pas de cadeau. Quoi. Dépêche, ta mère attend. Non, en général, c'est ta mère qui vient te chercher qui fait dépêche-toi, ton père s'impatiente. Bon. Et comme ils ont sensiblement le même âge, les Bordelais n'ont pas vu la différence. Oui, là, et alors ils ont 10 ans d'écart. Oui. Ah, ils sont pères. Avec son mec, elle est bête. Johanna, ça va ma chérie? Attends, hop, elle est là, Johanna. Ça va ma. Top, Camille. Ma chérie, alors attention, on va te demander aussi où le bonheur, d'accord? D'accord, ok. Attention, on y va. Il est où le bonheur? Il est où? C'est à toi. Ah non, c'est pas... Johanna? Mais non, mais j'ai pas entendu la première chanson. Ah, mais non, mais c'est juste le début. Il faut que tu inventes la fin. Attention, attention, on y retourne. Johanna, attention, c'était une répète. Hein. On y retourne, t'es prête? On ouais, y va. Je suis prête, ça y est. Ah, t'es prête? Oui, je suis prête. T'es sûr, hein? T'entends bien, hein? Oui, oui, je suis sûre. Vous m'avez dit, balance la chanson. On y va, c'est parti. C'est là que je Ah oui, c'était un piège. J'adore ça, c'est bon. Tu vas pas ça. Moi, je vous emmènerai dans les îles Galapagos. Le paysage est fabuleux. Le moment où le ciel et la mer ne font plus qu'un. C'est et bon que cette espèce de ciel vanille prend le dessus. On ne le voit que là-bas. Les îles Galapagos. Et je le fais pas pour avoir un séjour gratuit au Club Med. Non, non, non. Je pense vraiment au TF1. Je fais pas ça parce que tous les ans, l'office du tourisme du Galapagos m'invite tout frais payé avec ma famille. Les îles Galapagos, c'est ma grande passion. Oui, Clément. Il devrait le faire avec des endroits pourris. Faut pas qu'on essaye, on se bat avec des endroits pourris. C'est là que je t'emmènerai. Moi, là où je vous emmènerai, c'est dans l'appart de Pauline du standard. Enfin, l'appart, le squat de Pauline. C'est super bien, tout est bien pensé. Par exemple, elle a un salon, cuisine et salle de bain qui se transforme en chambre le soir. C'est vraiment super beau. Tu veux essayer, Clément? Vas-y, tu veux que je t'emmène où? À Pouzoges? Bah, toi, tu vas me dire. Bah, Pouzoges, c'est vachement bien, c'est là où t'es né. Bah, je vais te le vendre, regarde. Okay, si je veux vraiment, j'en ferai un, je fais ça. C'est là que je t'emmènerai. Moi, mon petit coin de paradis, c'est cette ville qu'on appelle Pouzoges, où il y a un bar qui est ouvert des fois que le mercredi, encore faut pas arriver trop tard. Et il y a pas mal de gens bourrés qui t'accueillent en te disant vraiment, c'est mon oxygène. Et c'est vraiment sympa. Et j'adore faire des promenades parce que j'ai pas de voiture là-bas et que le centre-ville est à 14 km de chez moi. Ah là là, on saura jamais où est ton bonheur, Johanna, je te dis. On est parti sur tout autre chose. Je t'embrasse très très fort, ma chérie. 8h15, restez là, on a un loyer à vous payer dans un instant. Et là, je peux vous dire, vous pourrez aller dans les îles Galapagos pour aller où vous voulez. On va vous payer votre loyer. Loyer 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Et le son de Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. Restez avec nous.

Radio Classics. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Tout de suite, votre loyer sur Virgin Radio. Excellent réveil à vous tous sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis plus nombreux chaque matin, 6h, 9h. Et vous le savez, un rendez-vous très important depuis 3 ans qu'on est là maintenant et on veut continuer. Ça vous fait plaisir, je le sais, c'est important. Loyer au 7, 12, 13 par SMS, on vous paie votre loyer. 6h20, 7h20 et 8h20. Tous vos SMS sont là devant nous, c'est un tirage au sort. On tire un seul SMS, on vous rappelle en direct. On vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Pas de piège, on est les seuls à prendre soin de vous comme ça tous les jours. Vous répondez Virgin Radio et c'est remboursé pour vous. On vous fait le chèque du loyer, vous faites ce que vous voulez de l'argent. Hein. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? Amandine. Amandine, ma belle, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Eh ben c'est Virgin Radio. Oh là, ouais, ouais, ouais. Tu es d'où, Amandine? De Roquebrune, Cap-Martin, vers Monaco. Oula, on va le sentir passer. Ou on va le sentir passer cette histoire. Et t'as un loyer de combien, ma belle? Bah 1300 euros. Oh là là là là. Bon, écoute, on est très heureux, ma chérie, de te faire ce cadeau, quoi qu'il arrive. Hein. Tous les SMS, voilà, c'est un vrai tirage au sort. On est très heureux, ma chérie. Je suis désolé pour tous les autres qui n'ont pas eu la chance d'être tirés au sort ce matin. Mais rassurez-vous. C'est pour moi. Mais je sais, mais c'est normal. Mais du coup, tous vos SMS, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que pendant encore 3 semaines, tous vos SMS, il n'y en a aucun qui est perdu, puisque chaque fois que vous inscrivez, vous augmentez vos chances. Ils sont tous comptabilisés. Vous augmentez vos chances d'être tirés au sort pour les 50 ans de loyer. Vendredi 16 septembre à 8h20 pour vous. Eh oui, 50 ans de loyer. Je veux dire, on va vraiment vous aider à voilà, réaliser des rêves, changer de vie. Vraiment, ça va. Ça permet de faire des projets complètement dingues. Mmh. Et alors là, 1300 euros, ma belle. Ça veut dire que si je te prends au téléphone vendredi 16 septembre, je te ferai un chèque de 780 000 euros. C'est un truc de dingue. Ça serait génial. Écoute, ma chérie, je te souhaite bonne chance comme à vous tous qui nous écoutez. Je t'embrasse encore très, très fort, Amandine. Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Excellent réveil. Hey, this is Charlie Puth on Virgin Tonic. We don't talk anymore. Tonic. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder. Move on, just the way you did so easily. Don't wanna know kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. Knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. If she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. You out of my frame. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Bon, réveil à vous tous, 8h25, c'est le Virgin Tonic. Et une belle matinée, je sais que vous êtes nombreux déjà dans votre voiture, d'autres sont même arrivés au travail. L'équipe est là évidemment. Oui. Alors on en parlait, alors c'est compliqué maintenant hein, de donner les périodes scolaires, de donner les rentrées. J'ai l'impression que chaque école fait sa rentrée un peu quand il veut, mais quand même, grosso modo, pour une grande partie de la France et ceux qui sont dans le public, la rentrée des classes, c'est demain. Ouais. Aujourd'hui pour les profs, les enseignants, les instituteurs. Et demain, voilà, grande rentrée, il vous reste une après-midi pour encore acheter les fournitures. Ouais. Ça coûte très cher, alors de ça plus en plus. Ça coûte cher. En plus, tu sais pas pourquoi, mais c'est toujours au moment où tu as besoin de fournitures qui sont en rupture de tout. Ah, donc, parce que tout le monde a besoin au même moment. Et oui, mais bon, c'est le moment où il faudrait réapprovisionner un peu plus, si tu veux. Eh oui, mais ouais. Et voilà. Après, il y a des mamans qui font, mais je sais pas comment elles font. Hein. Je vois qu'ils, avant de partir en vacances, ils disent, bon, on fait les fournitures comme ça, c'est fait. Bah voilà. Oh. Alors, Juju a fait ça avec ses enfants, je me suis moqué de lui. Moi, je suis allée hier avec ma fille, elle m'a fait caprice sur caprice. Ah ouais. Il y avait un monde de malades. Franchement, c'était un sale moment. Et moi-même, j'ai failli faire rien. Un caprice. Il y a même plus de stylos. Il y a plus que des stylos trois couleurs. Tellement. Il y a plus les couleurs. Épuisé. Il y a plus que des trois couleurs, là. Et alors, j'ai trouvé la trousse que j'aurais rêvé d'avoir si j'avais fait une rentrée là cette année. C'est quoi? Elle est trop bien. Regarde, c'est une trousse Coca-Cola en canette. Ah tu l'as pris en photo. Oh, génial! Je la veux. Oh là là, on va la mettre sur les réseaux. Alors, c'est une canette mais en trousse. Voilà. Bah, j'étais à deux doigts de me l'acheter. Ah bon? J'en avais une comme ça, moi. Mais alors, en revanche, tu sais que quand il n'y a plus cette trousse Coca, tu peux avoir la Pepsi Max. On n'a plus la Coca, je vous mets une Pepsi. Bah non, c'est pas si je voulais. Je rêve un jour, un gars il s'assoit à une terrasse de café, ils disent bonjour, je voudrais un Pepsi. Oh, on n'a pas, on a que du Coca. Oh non. Pas d'original. C'est jamais arrivé ça. C'est quoi la fourniture pour laquelle vous avez tapé un scandale quand vous étiez petit? On fait tous des caprices. C'est un moment important quand on a un enfant, le moment des fournitures. C'est vrai, on veut se faire une belle trousse. C'est vrai que c'est, moi je me rappelle, c'est, on était comme des dingues avec mon frère, on y allait ensemble, on était comme des fous. Le caprice que vous avez fait, je vais vous demander aussi au 39-16, Clément. Moi en rentrant au collège, je voulais absolument l'agenda Nirvana, mais il venait, c'était 95, où il venait juste de sucer. Donc ma mère m'a dit, c'est pas bien pour bosser, ça va pas te mettre dans des bonnes conditions. Donc elle voulait pas que j'aie l'agenda Nirvana. Prends le Amy Winehouse. Voilà. Oui, Nico du bureau. Alors papa, ta fille, est-ce qu'elle fait des caprices en ce moment? Évidemment, et je suis en train de la sevrer. La sevrer de la Reine des Neiges en fait, parce que là, elle ne peut plus. Et en fait, du coup, je lui ai acheté, parce qu'elle voulait en tout Reine des Neiges, trousse, machin, etc. Et je lui ai acheté deux tailles crayons. Un taille crayon Reine des Neiges et un taille crayon normal, pour lui dire tiens, tu verras, le taille crayon normal, il taille pareil que le crayon. Tu l'éduques. Et j'essaie de l'éduquer pour la sortir de ce truc-là. Vas-y, attendez. On met la Reine des Neiges ou pas? Ah oui. Non, merci. On le met? Ah oui. On le met? Allez, on le met. Bah, évidemment. Ah, c'est délivré. Est-ce que c'est bon de la retrouver? Pauline, le caprice que t'as fait quand t'étais petite? Moi, je voulais absolument le Tipex, mais en forme de souris. Parce que j'aimais pas en forme de stylo. Et ma mère disait, bah non, ça coûte hyper cher. En fait, il est très cher. Mais c'est les recharges. En plus, il faut le recharger tout le temps. Et en plus, tout le monde te le taxe parce que c'est trop marrant de faire des dessins avec la souris. Sûr. C'est la classe, ouais, je comprends. Moi, je voulais absolument le sac Eastpak. Eastpak, là. Et ma mère, elle voulait pas. Et c'est 3 ans que je me traînais un vieux sac Invicta. Je sais pas si vous avez connu ça. C'est un truc, c'est fluo, il y a des poches, tu sais même pas à quoi ça sert. On dirait un alpiniste. Tu vois, bientôt, t'as une corde au bout avec un piolet. Ça veut rien dire, ce sac. Et je l'avais récupéré de mon frère, il était pourri. Ah, elle voulait pas m'acheter mon Eastpak, elle m'a rendu dingue, Pauline. Mais tu le portais bas ou haut? Bas. Ah, trop moche. Ah, bah, c'est parfois juste sur une anse comme ça parce que. C'était mon époque un peu rebelle là, attention. Hein. Pierre est avec nous au 39-16. Pierre, est-ce que toi aussi t'as fait un caprice pour une rentrée des classes? Salut mon pote. Bah, absolument, j'ai fait un caprice de fou. C'était pour avoir de la colle en gel. En fait, si tu veux, je m'en mettais sur le bout des doigts et pendant une heure, je m'amusais à faire des petites boules avec. Je kiffais. J'avoue. Ah, c'est bien ça. Ah, bah, il y a un paquet de scolarités qui ont été perdues à cause de ça. Oui. En revanche, ça marchait pas du tout pour mettre sur la cartouche d'encre et la coller au plafond. Oui. Non. Là, il fallait la UU. Il y a que la UU qui collait. Oui, Laure. Bah, moi, ma fille, elle a demandé cette colle. Je regarde sur la liste, je vois qu'il n'y a pas. Je dis, mais elle n'est pas sur ta liste. Elle me dit, non, mais ça, c'est pour la maison. N'importe quoi, en fait, c'est pour se la mettre sur les mains et se la décoller. C'est génial. Ouais, j'avoue. Nico du bureau. Non, bah, la colle dont tout le monde rêvait, c'était la Cléopâtre. Dans tous les cas, elle sentait l'amande et tu l'as sniffé. La tu pouvais même un petit peu en manger. C'est pas bon. Ah oui, non, mais c'est, je veux dire, c'était comestible, pas bon quand même. Ouais. Non, j'ai pas trois pots, mais c'était fait pour pas être dangereux, Clément. Ça avait l'air cool, vos vies de rebelles. J'aurais trop aimé avoir cet agenda Nirvana pour être avec vous. Tu pouvais pas. Bisous, mon Pierrot, 8h30. On fait un point sur l'actu avec plus de 60 journalistes qui se réveillent à vos côtés chaque matin. On est heureux de les retrouver aussi, tous nos journalistes partout en France. On leur passe le bonjour. On a qui? On a Arène, Thierry, Bordeaux, c'est Eve, Emmanuel Valls, bien. On l'oubliera jamais. Maxime à Lyon, voilà, ils sont tous là à vos côtés chaque matin. On les écoute et puis on revient pour le pop rock électro. On est là jusqu'à 9h sur Virgin Radio.

cours de peinture. Si on pouvait changer le nom de votre école, vous aimeriez qu'il s'appelle l'école de quoi? L'école de Cassandra. L'école à côté de, du centre. L'école où on fait tout ce qu'on veut. Réponse à tout. Ce que je préfère dans le réponse à tout, c'est pas là spécialement la réponse, c'est d'entendre les copines derrière qui font bah, ça va. Dis ça, moi j'ose pas. J'ose pas, dis-le pour moi. Calvin Harris, this is what you came for. Voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio. Encore une très très belle matinée à vous, 8h36. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, 8h38. On a un gros souci, les amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On est avec vous jusqu'à 9h, vous le savez. On a un souci, Laure. Ah oui, ah oui, on a un souci, Laure. Laure, Clément, Pauline sont là, comme chaque jour, bien sûr. Et là, on vient de perdre Laure. Il y a de ça. Il y a eu un impact il y a 40 secondes. Ah, c'est ça. Je la connais par cœur. Alors déjà, il y a un truc qui m'a tout le matin. Elle est là, elle est sur téléphone avec son Juju. Je t'aime, hein, moi aussi. Ah, je t'ai dit que je t'aimais. Bah ouais, 5 minutes, mais rappelle. Bah quoi? Mais tu nous jettes ton bonheur à la gueule. Hein. Et ça t'ennuie? Oh là là. Ils sont vraiment. C'est beau d'ailleurs. Juju, combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et ils sont, mais genre, mais comme au premier jour. Ouais. Vraiment, très amoureux et tout, c'est vraiment beau. Mais j'adore, c'est que en une seconde, quand il y a un truc qui va pas, Laure, bon bah ça se voit quoi. C'est-à-dire que bah et puis le téléphone le sent quoi. C'est plus la même façon d'appuyer sur les touches, c'est plus la même façon de le poser, c'est-à-dire elle le pose comme ça. Et non, c'est ah ouais quand même. Tiens, j'ai pété le mien en faisant. Alors il t'a envoyé quoi? Il annule les idées, c'est ça? Non, il a un dîner demain soir. Bon, ok, ça peut arriver. Sauf que là, il me dit qu'il a un dîner aussi ce soir. Bah pourquoi pas sortir tous les soirs aussi? Non mais tu vois. Donc le gars veut s'alimenter quoi. Non mais on va où quoi? Non, on va où? Ouais, 200 d'affilée, c'est bizarre. Bah surtout sans moi en fait. Ah. Ça, ouais, ça déclenche mon alerte immédiatement. Oui, mais il faut que je retrouve l'alerte jalousie. Bah, hein. Elles sont là. Ouais, c'est alerte jalousie. Voilà. Ouais. Là, elle est déclenchée là. Bah oui, elle est déclenchée parce que un soir, ça va, deux soirs. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Ah, attention. Les femmes, vous avez des trucs, c'est systématique, ça démarre direct. Ah bah oui, moi, ma chérie, elle a un truc tout de suite. n'importe quel film avec Scarlett Johansson. Je suis très attaché à la personne Scarlett Johansson. Que je ne rencontrerai jamais de ma vie. Il n'y a rien. Donc, il n'y a aucune chance qu'on la croise, tu vois. C'est juste, dès qu'il y a un film avec Scarlett Johansson, tout de suite, ma chérie. Alerte, jalousie. Ouais. Et là, t'entends. Oh, mais quelle gourdasse. Quelle gourdasse, là, avec ses trucs en moulant, machin. Mais elle joue mal. En vrai, elle joue bien. Ouais. Elle joue mal. Oh là là, elle est d'un vulgaire. Bah, pas du tout, en fait. Mais c'est systématique, plus aucune bonne foi, Clément. Moi, je m'adresse à tous ceux qui sont en couple. À quel moment déclencher l'alerte jalousie? J'ai étudié ça de très près. C'est quand un mec like toutes les photos de ta chérie, mais sans jamais les commenter. S'il n'y a pas un message, si c'est un ami, il commente. Si juste il met des likes et il parle jamais, c'est très louche. Pas bête, Clément. Ça veut dire je suis là, mais personne ne le sait, mais je suis là, t'inquiète. Très très bonne théorie. Oh, il y a Laure, elle est en train de dire, attends, je vais aller fouiner tout ça. Elle pourrait checker tout de suite. Poli ton standard. Non, mais c'est pire quand, en fait, le mec like des photos de 2006. Ça veut dire qu'il a remonté toutes tes photos. C'est vrai. Et c'est là où c'est ouf. Et moi, quand un mec me fait ça, je sais que bon, c'est bon, je peux y aller. Enfin, il veut bien. Enfin, Ça, t'as raison. Ça veut dire qu'il allait vraiment chercher dans les archives. Il allait loin. Il allait très très loin, Clément. Après, c'est peut-être parce que j'étais plus beau gosse en 2006 quand même. Les gens n'aiment plus celle-ci. Il y a Patricia. Alors on va prendre des filles forcément. Vous êtes nombreux au standard. Patricia, ma chérie, ça va? Oui, salut Camille. Salut l'équipe. Oui, ça va. Ma chérie, est-ce que t'es en couple déjà? Alors moi je suis en couple. Et puis alors je t'avoue que je suis un peu jalouse. Quand mon homme va courir tous les dimanches avec ses collègues de travail depuis quand même 6 mois et qu'il n'a pas perdu un gramme. On est bien d'accord. Oui, alerte jalousie, d'accord. C'est vrai, c'est bizarre. Il va courir, du coup tu sais pas où il va et il maigrit pas. Il a les baskets au pied, ça c'est sûr, mais bon, et tous les dimanches sans perdre un gramme. Excuse-moi, mais bon, Camille, au bout d'un moment. C'est bizarre. Excuse-moi, chérie, tu vas courir? Ouais, pourquoi tu prends des préservatifs? Non, mais parce qu'on sait jamais s'il y a un coup de pluie. Excuse-moi, on sait jamais. Laure. Mais ça me fait pareil avec Juju quand il rend du sport, habillé différemment du matin. Tu vois, il arrive en soutien-gorge? Non. Il part le matin en costume et puis il prend des affaires de rechange et il rentre changé. J'ai toujours un doute, je suis comme elle, j'ai toujours envie de vérifier. Pour te rassurer, il faudrait faire quoi? Qu'il fasse du sport en smoking? Non mais dis-nous. Non mais qu'il se rhabille pareil, pourquoi changer de tenue? Mais parce qu'il reste habillé en sport. Ouais. Ah non, il prend une troisième tenue. Ah, il prend une troisième. Il y a anguille sous cachalot maintenant. Là on est mal, oui Clément. Franchement c'est chaud, le jour où il t'annonce qu'il a en plus deux dîners de suite, là vraiment faut le quitter. Ah non mais attends. Oh là là. Il a deux dîners de suite. Non mais j'ai une question, puisque Patricia ça lui met la puce à l'oreille. Laure, est-ce qu'il maigrit quand même, Juju, avec son sport? Pas du tout. Non mais là vous... Là vous m'énervez un petit peu. Du coup moi je vais vérifier les tenues D'accord, de ça. Oui Pauline, au standard. C'est pour ça que je choisis que des mecs qui font des sports de mecs, où il n'y a pas de filles. Par exemple la boxe, le foot. Alors, je rappelle, ton mec il a 10 ans de plus que toi. Oui. Et donc il peut faire du sport. Non mais il fait quoi comme sport? Il fait du foot avec ses copains. Ouais. Il n'y a pas de filles. Au foot non, ou alors gardien, voilà. Max, mais pas en général non. Clément. Finalement, la moralité de cette histoire pour les filles, prenez un mec qui fait pas de sport. Ouais. Voilà. Bah, Clément, il fait pas de sport, il maigrit pas. Voilà, ouais, mais vrai. Il est toujours à la maison. Ça c'est sûr. Vous le cherchez, il est près du paquet de Pringles. Si vous voyez où est le paquet de Pringles, vous trouvez Clément. Il y a Vasken qui est là aussi. Salut Vasken. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Vasken mon bichon, à quel moment toi, parce que les mecs aussi, à quel moment l'alerte jalousie se déclenche? Bah moi c'est très simple, c'est quand ma femme elle sort à 16h du travail, qu'elle me dit qu'elle va faire des petites courses et qu'elle rentre avec 21h avec 2-3 bricoles. Bon je lui dis rien parce que j'ai vraiment la dalle, donc je lui dis rien, mais vraiment l'alerte jalousie elle est là quoi. Je comprends. Là Vasken, depuis tout à l'heure on rigolait bien, mais là je crois qu'elle te trompe vraiment ta femme. Pour le coup on rigolait bien, mais enfin si ta femme va vraiment faire des courses à 15h, qu'elle rentre sans courses à 21h. Là, quand même, on est dans une ambiance, hein, Clément. C'est pas des courses, c'est du shopping. Là, elle est partie ce matin pour le début de l'émission à 6h et elle est toujours pas revenue. Donc, elle est partie, c'était quoi? Acheter des clopes en mai dernier. Et elle n'est pas revenue, mais bon, je sens que c'est un nouveau départ. J'ai faim. Là, on vient de se séparer d'un commun accord entre elle et son amant. Ils sont assez d'accord sur le fait qu'on se sépare. Parce que donc, je t'embrasse très fort, Patrick. Ici aussi, 9h moins le quart, 21 Pilots tout de suite. Ride sur Virgin Radio, excellent réveil. Hey, this is 21 Pilots on Virgin Tonic. Tonic. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Sur Virgin Radio, 8h47, belle matinée. Je sais qu'elle a commencé depuis bien longtemps pour vous tous. Mercredi 31 août, on est là chaque matin, 6h-9h avec toute l'équipe. Oui. Merci aussi d'être là sur les réseaux Twitter, Facebook, Snapchat, partout. Virgin Tonic officiel. Et sur Facebook, il y a Corentin qui m'envoie une info qui est marrante comme tout. Ouais. Et c'est le 3 et 4 septembre prochain. Ouais. Il va se passer quelque chose d'énorme. C'est le championnat du monde de cache-cache. Ah, génial. C'est le championnat du monde de cache-cache. Il aura lieu dans le village de Consono, un village des Alpes italiennes. Les inscriptions sont ouvertes, la place coûte 25€ par personne et c'est le plus grand championnat du monde de cache-cache. Alors moi je l'avais vu passer dans l'été, mais je remercie Corentin, il me rappelle le truc. C'est quand même un truc de dingue. Concours de cache-cache, Laure. On peut pas le faire à la radio? On s'en fait un immense dans toute la radio. Un concours de cache-cache? Ouais. Ouais. Non, je crois pas. Faut vraiment, essayer d'arrêter les idées. Ouais. C'est autre chose. C'est pas possible, Clément. Je sens que si on en fait un, tu vas pas nous chercher, en fait. Et au bout de 3-4 mois, on sera chacun fier d'avoir gagné. Tu seras content d'avoir d'être resté seul. Il a vraiment peur d'être abandonné. Hein. Ok, on joue à cache-cache. Si tu me trouves pas, je suis dans le placard. Pauline. Avec mon mec. Putain, j'adore dire ça. Avec mon mec. Et on est allé dans le désert de Las Bardenas. En Espagne, et on a fait un cache-cache dans le désert, mais sauf que j'avais peur de me perdre, du coup je le suivais. Donc on n'a pas joué. William, c'est ça? Oui, c'est ça. Il m'a l'air d'être bon, lui. Hein. Ah, on passe sur un bon truc, quoi. On est dans le désert. Mais vous avez des activités de personnes âgées? Vous faites quoi? Des balades en forêt, des trucs dans des déserts? Ouais, on a fait les Pyrénées, on a fait le désert, et j'ai fait un peu de conduite dans le désert d'ailleurs. Et j'ai failli planter la voiture. Ah oui, c'est vraiment une relation mère, papa avec sa fille, quoi. Il t'apprend à conduire et tout, quoi. Oui, c'est pas un inceste quand même. Ah mais non, mais je veux dire, vous avez des trucs de... Il t'apprend la vie, quoi. Ouais, il m'apprend la vie. Ah, ma grande, là. Et moi, je réveille sa jeunesse. Bien sûr, Clément. Dans le désert, en fait, il avait peut-être juste envie de faire pipi. C'est une technique, tu sais. Allez, on se sépare deux minutes, on fait le... Et elle le suit. Bon, bah, c'est pas grave. Surtout lui, la dernière fois qu'il était allé, il y avait une ville à ce moment-là. C'est juste que depuis, elle a été rasée, il y a eu d'autres trucs. Il a 102 ans, le gars. C'est à l'époque, c'était Las Vegas, là-bas, Laure. Vous savez que quand j'étais petite, je me suis perdue, mais vraiment très, très, très longtemps en jouant en cache-cache, en fait. Je me suis cachée dans un placard. Et je sais pas, il devait être 16h, ils m'ont retrouvé à 21h. Mais j'étais en terminale. Non, je te promets. Non, mais vraiment, mes parents ont fait

pour rencontrer la vie, être vivant. Salut à tous les amis, 9h05, peut-être que vous nous rejoignez tout juste, c'est le Virgin Tonic, entre 6h et 9h, chaque matin, toute l'équipe est là. Et on est loin d'être parti, puisqu'on veut absolument vous offrir un très beau cadeau. Vous êtes peut-être encore en voiture, peut-être au travail, quoi qu'il arrive, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes énormément à vous inscrire sur le Facebook et au 3916 pour repartir avec, quand même on a vraiment pris soin de vous cette année pour cette rentrée, avec 2 000 € à dépenser dans les magasins But. Imaginez, ce matin on a offert 2 700 € de loyer. Vous êtes tous, quoi qu'il arrive, même ceux qui n'ont pas gagné, inscrits pour les 50 ans de loyer qui sont à gagner le 16 septembre prochain. On peut offrir un chèque jusqu'à 900 000 €. C'est le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. Et vous le méritez, parce qu'on a les meilleurs auditeurs de France. Et là, maintenant, c'est 2 000 € chez But. C'est génial. C'est Guillaume qui a été tiré au sort au 3916. Salut Guillaume. Salut Camille. Salut Laure. Salut Clément. Salut William, le chéri de Popo. Salut Pauline. On le salue maintenant. William, c'est parti de la famille quand même. Hein. Bah, William, le chéri de Popo, il a 10 ans de plus. Là, à cette heure-ci, il est sur Chant de France. Hein, mon prochain. Et pour un peu, William, ça veut dire Guillaume. Oui. En quoi? En anglais. Voilà. Ben oui. En anglais, ça veut dire Guillaume, ouais. Ah, je savais pas du tout. William, c'est Guillaume. Ah, William Shakespeare, c'est Guillaume en fait. Donc en Angleterre, c'est Guillaume Sorin. Exactement. C'est incroyable. Guillaume, mon bichon, t'as quel âge? J'ai 27 ans et je vais emménager bientôt dans un nouvel appart. Donc franchement, 2 000 € But, ce serait juste énorme, quoi. Eh ben j'espère. On va jouer un tout nouveau jeu que j'adore. Déjà. D'accord. C'est un peu comme N'oubliez pas les paroles. On met une chanson et il faut arriver à la continuer. Sauf que nous, c'est que des chansons un peu ringardes. On l'a appelé ça le « C'est la honte si tu connais la suite ». Si tu connais la suite, tu seras tenté de la chanter parce que t'as 2 000 € à la clé, mais t'auras un peu honte de chanter la suite. Bah, je préfère avoir la honte quand même. Et bah, bien avoir sûr. Mais tous tes potes sauront que tu aimes ce genre de chansons. C'est parti, jingle. C'est pas grave. Tonic. C'est la honte si tu connais la suite. C'est la honte si tu connais la suite. Enfin, il connaît la suite. Mon Guitou, je t'ai pas demandé d'où tu venais. Moi, j'habite à Lyon. Lyon, très bien. Ouais. But à Lyon, 192, route de Grenoble. On dirait le multiplex. Voilà, but à Lyon dans la surface. Nabil Fekir. Attention, Guillaume, c'est la honte si tu connais la suite. On te met des extraits. Si t'arrives à chanter la suite, bah, c'est la honte, mais tu marques un point. D'accord. On y va, premier extrait. Bonne chance à toi, Guillaume. Merci. J'aime les mojitos. Ok, c'est la version bourrasse. Les douaniers et Rousseau, y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. On la connaît tous, hein. Ah ouais. Non, mais lui, il est fait pour nous, ce jeu. Ah oui, c'est clair. Mais peut-être que Guillaume est aussi ringard que nous. Je ne suis pas sûr, on est dur à battre là-dessus. Hein. Guillaume, tu ne marques pas le point. On continue. Attention. Deuxième extrait du C'est la honte si tu connais la suite. Ne pas regretter, partir un jour. Mais non, la fin de la phrase. Non. Gardez la suite, Clément. Gardez les instants qu'on a volés. C'est ça. Je connais l'air, en plus j'adore Gilbert Montagnier. Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Oh, les To Be Free, Philippe, Adèle et Franck. Adèle qui fait une belle carrière. Ah, mais oui, c'est les To Be Free, j'ai dit Gilbert Montagnier. C'est To Be Free. Adèle fait une belle carrière, on vous offre des places pour aller applaudir à New York vendredi matin. Mais si j'avais vu en plus, ils étaient venus au cinéma vers chez moi quand j'étais petit. Eh ben oui, ben on les a tous aimés, To Be Free. Juste un truc, Guillaume, je te sens en forme, mais là, attention, t'es à 0 point, mon pote, t'es en train de perdre 2 000 €. Hein. Ouais, je sais, ouais, je crois que c'est... Là, on est mal barré. On en fait bon, encore. Là, ouais. On y retourne. Allez, c'est la honte si tu connais la suite. Ok, ça marche. Guillaume, il a eu la chance de voir les To Be Free dans son cinéma. C'était énorme, j'adorais. Mais non, mais en vrai. C'est les gars, vous vous rappelez de la série, il y avait la... Comment elle s'appelait, la série des To Be Free? Ah oui. C'était pas Partir un jour tout simplement. Oui, oui. C'était ça. Ça s'appelait oui. Partir un jour. Partir un jour et il y en avait un. Dès qu'il était content, il faisait un super arrière. C'est vrai, ouais. Un flip. Parce que en fait, vu qu'ils savaient les faire et qu'ils étaient bien gaulés et tout, et l'autre arrivait, il disait ouais super, j'ai eu mon examen. C'est pas vrai. Wow. J'ai aucun pote qui a fait un supérieur arrière quand j'ai eu mon bac. Personne fait ça. On y va. Attention, troisième extrait. Okay, c'est la honte si tu connais la suite. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle. J'ai une armoire en mousse, alors je vais aller chez But. Choisissez bien, choisissez But. La la la la la. Ah, Guillaume, je te cache pas que tu vas pas du tout aller chez But. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, c'est mal parti, ouais. Là, ouais, on est très, très mal parti. Mais pourtant, c'est facile quand même. Mais ouais, en fait, je connais l'air, mais. Me laissez tenter. La victime est si belle. Et le crime est si gay. Ah là là, ouais. Eh ouais. Attention, oh là là là là. On y va. Dernier extrait, c'est parti. Ok. Moi ouais, j'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins. J'en veux tous les jours. Oh, oh non, oh, c'est ça. Oh, des bisous, des câlins. La honte pour moi là. Tous les jours. Oh, c'est comme ça. Ça. Eh ben ça a été dur. On a réussi à en trouver une. Guillaume, c'est gagné. Bravo. Ouais. Bravo mon Guitou, on est heureux, tu partiras dans un But à Lyon, oh là et là tu feras je suis trop content, et 2000 euros, ben moi aussi je suis très heureux, 2000 euros, tu vas pouvoir dévaliser le But près de chez toi pour la rentrée. Merci Virgin, ah là là là là. Mais je te fais. Merci mon Guillaume et merci pour ta bonne humeur, je t'embrasse je très fort mon pote. Merci à vous, merci Camille, merci tout le monde, bisous bisous, je vous embrasse, je vous adore. Bisous et on t'envoie l'album de Laurie bien sûr. Avec plaisir, je l'ai déjà. Ben, on te le renverra, merci. 9h02 les amis, on a encore passé une très très belle matinée avec vous. J'espère que tout va bien se passer, que vous allez passer une belle journée. On est là depuis 6h, donc rendez-vous demain 6h en direct. Nouvelle question de ouf bien sûr, 01 84 07 08 09. Vous pouvez répondre dès à présent. Et puisque c'est aujourd'hui la rentrée des profs et des maîtresses, il n'y a que eux aujourd'hui qui vont avoir le droit de répondre. Que les professeurs, que les instits, que les maîtresses. Et vous nous faites des confidences de profs, des trucs que vous n'avez génial. Jamais dit. Trop bien. Génial, des trucs qui sont arrivés dans votre classe en corrigeant des copies, tout ça. Ou même des petits trucs genre, des fois je fais ça et les élèves sont pas au courant. Oh là là là là, on adore rentrer des classes demain. Bon courage à tous ceux qui vont encore courir pour les fournitures scolaires, les enfants là qui nous écoutaient à 9h, voilà, déstressés, ça va bien se passer, j'en suis sûr. On se retrouve demain, 50 ans de loyer à gagner, vous pouvez vous inscrire dès à présent, loyer au 7 12 13, ce sera le 16 septembre prochain. On aura des iPad mini à vous offrir demain aussi. On continuera le tour du monde du pop rock électro demain. C'est DJ Snake à Chicago. Qui est originaire de Chicago? Interro surprise Clément. Barack Obama. Ah là, j'avais que celui-là. Wow. Attention Pauline. Non, moi j'allais dire qu'avec Ginger, on a vu DJ Snake en concert. Et on était derrière. Ah, c'était où? C'était à Cannes, aux plages électroniques. C'était énorme. Ok, ouais. Le concert, c'était incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'il saute partout, il monte sur les platines. Enfin, il est fou, quoi. D'accord, il mixe pas à un moment? Oui, il mixe. Oui, Clem. J'ai un scoop encore plus gros, son vrai prénom, c'est William. Ouais, c'est William, ouais. Ah ouais, ouais. Guillaume Snake. Oh. C'est Guillaume Snake. Clément. Et il a mixé pour les 18 ans de mon meilleur pote. À l'époque, il l'a pas payé. Ouais, parce mon meilleur pote, c'est Kenny West. Je arrête pas, quoi. Oui, Laure. Ah, mais du coup, c'est Guillaume Serpent, par contre. Ouais. William Snake, Guillaume Serpent. Merci, Laure. Ouais, voilà. Et Laure qui. On embrasse, hein, qui repart en vacances 3 mois. N'hésitez pas, les amis, on va se retrouver demain. Un dernier point sur l'actu avec tous nos journalistes, bien sûr. Je sais que vous l'attendez, c'est important aussi à 9h. Et puis Pierre-Alex qui va vous accompagner maintenant jusqu'à midi. Et avec le son de. Julian Peretta, Serge Peretta. Serge Peretta, c'est cher chez nous. Hein. Une belle année, celui-ci. Hein. 9h04, les amis, on se retrouve demain à 6h. Un bonheur d'être là chaque jour avec vous. Merci de nous être fidèles. À demain, salut. Tous les matins, de 6h à 9h. C'est du Camille Kouba. Virgin Tonic. Top Tip. Virgin Radio. Virgin. Your radio. Pop Rock. Electro. Virgin Radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, la météo est pas de changement pour aujourd'hui, du soleil sur l'ensemble du pays à l'exception peut-être du sud-est où les orages risquent de rythmer encore la journée. Coup de tonnerre attendu aussi en Corse, 25 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 28 à Paris, 32 à Montpellier. Ça sent le sapin ce matin à Bercy. Michel Sapin succède à Emmanuel Macron, démissionnaire à la tête du ministère de l'économie. La passation de pouvoir va débuter dans quelques minutes. Emmanuel Macron, 38 ans, désormais libre de se lancer à la conquête du pouvoir. Il va se consacrer exclusivement à son mouvement En Marche. Il présentera en septembre son diagnostic de la situation du pays avant de développer des propositions courant octobre. Puis il regardera si les sondages d'opinion lui sont favorables pour envisager la présidentielle. Fini les vacances, c'est la pré-rentrée des profs. Ils sont plus de 860 000 à retourner à l'école ce matin afin de préparer leur classe pour l'arrivée des élèves dès demain. Une rentrée 2016 marquée par la mise en œuvre de la controversée réforme du collège. Le syndicat SNES-FSU appelle les enseignants à faire grève dès le 8 septembre. C'est aussi l'occasion aujourd'hui pour la prévention routière de rappeler une règle essentielle aux 2 millions d'élèves qui prennent le bus tous les jours. La ceinture est obligatoire dans les autocars. Le slogan est explicite. En car comme en voiture, j'attache ma ceinture. Sinon, c'est 135 euros d'amende, y compris pour les enfants. Les accidents de car ont fait 42 morts et 127 blessés l'an dernier. Il est donc très important de bien s'attacher. Un accord a été trouvé sur le prix du lait. Les agriculteurs vont pouvoir souffler un peu. Lactalis a fait un geste. La tonne de lait leur sera payée 280 euros dès ce mois-ci. Puis l'industriel ajoutera 5 euros de plus tous les mois pour aboutir à 300 euros en décembre. Leonardo DiCaprio, soupçonné d'être impliqué dans un énorme scandale, l'un des plus grands scandales financiers du 21e siècle, d'après plusieurs médias internationaux. L'acteur américain a été entendu par le FBI. Il aurait pu percevoir des centaines de millions de dollars détournés d'un fonds public malaisien. Une vaste affaire de blanchiment d'argent. Les sommes auraient aussi servi à financer la production du film Le Loup de Wall Street, dans lequel Léo DiCaprio joue le rôle principal. En foot, les Bleus s'envolent aujourd'hui pour Bari en Italie. Match amical demain à 21h. Raphaël Varane va retrouver sa place en défense centrale et le brassard de capitaine en l'absence d'Hugo Lloris. En tennis, belle journée pour les Français engagés hier à l'US Open. Mathieu, Mahut, Chardy, Simon et Mladenovic se sont qualifiés pour le deuxième tour. Seule Pauline Parmentier va devoir quitter New York, battue par Caroline Garcia. Le départ de Parmentier, c'est du gâchis. Voilà pour l'actu tout de suite, Virgin Tonic. Très bon réveil. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry. I'm drowning in an ocean of salt water. Yeah. I couldn't make it any more harder. That's why. I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water.

tonight. Promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just tryna. Virgin Radio, lundi matin, Camille Combal vous annonce la nouvelle qui va changer votre vie. On vous offrira pas un an de loyer, comme on l'a fait déjà au moins 4 ou 5 fois sur l'antenne de Virgin Radio, et c'est déjà énorme. On vous offrira même pas 10 ans de loyer. On va faire 20 ans. C'est mal me connaître. 25. 25 ans, c'est plus. 30 ans. Mais non. C'est plus. Mais non. 40. 40. Vous dites 40. C'est énorme. 40, c'est plus. Vendredi 16 septembre à 8h20, l'un ou l'une d'entre vous aura la chance de passer sur l'antenne, de se réveiller avec nous, et on va changer sa vie puisqu'on lui offrira 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. C'est tout simplement historique, parce qu'on va vous offrir 50 ans de loyer. Alors parlons concret. Imaginons votre loyer est de 530 euros. Eh bien sachez qu'on vous fera un chèque de 318 000 euros. Et ça marche aussi pour les crédits. Vous imaginez, vous allez peut-être pouvoir rembourser le crédit de la maison, de l'appartement. Donc je vous le dis, c'est pas dans 10 minutes, c'est pas dans une heure, c'est pas dans deux heures qu'il faut envoyer le SMS. C'est maintenant. Envoyez tout de suite loyer par SMS au 7 12 13. Et si Camille Combal vous rappelle le 16 septembre à 8h20, en vous demandant quelle est la seule radio qui paye votre loyer, vous répondez Virgin Radio. Et vous paye 50 ans de loyer. Vous vous inscrivez tout de suite. Et de mon côté, je vous prépare une très belle matinée. 40 minutes de pop rock électro non-stop avec le dernier Julien Doré, Le Lac. On a aussi Coldplay et l'une des stars du prochain électrochoc, Alan Walker sur Virgin Radio. À ce propos, écoutez. La plus grande tournée électro de France. Electro Shock va ambiancer Paris le 6 octobre. Are you ready? Vous serez 8000 au Zénith avec nous pour voir sur scène Kooms, Le Maître, Feder, Mom, Synapson, Yuxek, Jonas Blue, Lost Frequencies, Clean Bandit, Alan Walker, Offenbach. Baby, baby, you don't know. Richard Orlansky. Électro de Virgin Radio. Film mixé pour vous. Je suis tellement inquiet, ça va être fou. Envoyez un SMS au 7213, code électro. Et repartez avec votre séjour plus vos places pour venir le 6 octobre à Paris vivre Electrochoc. La plus grosse tournée électro gratuite de Virgin Radio. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non, mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. C'est la rentrée No Stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la B-Box Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui, dont YouTube, oui, et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit.